épisode 25 et je me dis, ça y est, on a tout dit, on n'aura plus rien de nouveau et on n'arrivera plus à surprendre l'un l'autre, et ben là, si. Ça y est, tu viens de... Tu viens de m'impressionner. Carrément. Ah, oui. Non, mais c'est pas comme si on s'était pas tenu au courant. Tout ça, et que tu me dis, ouais, nickel. Très bien. Ah ouais, non, mais tu sais, moi... Nickel. Bon, bah, on a qu'à y aller, alors. Ça fait un moment qu'on y va. Non, ça fait 30 secondes. Ah oui, non, c'est bon. Je suis pas le dernier des... Des Mohicans. Exactement. Bon, alors... C'est encore... Alors, bienvenue dans l'épisode 25 de cette saison 2. 25e épisode. On est en bout de course. C'est ça. On sort de vacances et pourtant... On est plus fatigué que... Que jamais. Que pas. Donc on est quand même très content de se retrouver parce que ça faisait déjà 15 jours et entre-temps on a un peu tout oublié de... De nous. De nos vies. C'est ça, donc on est un petit peu... Mais nous sommes toujours dans le partage. Alors... Hey, j'ai plus rien à boire. Oh putain, il a plus rien à boire. Oh le relou. T'as vu ? Putain, mais t'es chiant. Mais... Surprise. Allez, encore. Allez. Encore une surprise. Encore. Et ben... Écoute, regarde. Écoute, ce on que va je péter fais, celle-là. C'est que je bois très vite ce verre. C'est très radiophonique. Meub pendant ce temps-là, toi. Alors, tu veux une petite roucasserie ? Bon, on va se tenter celle-là. Eh ben écoute, Qui est à base de vanille, de pomme. Non, mais vas-y, roucasse. Tu veux que je roucasse ? Roucasse. Putain, c'est vrai. Tu doutes de rien, toi. Je me désolidarise de cette roucasserie. Moi aussi, hein. Bon, si tu commences à chercher, ça va falloir meubler. C'est Maurice qui rencontre David et David lui demande « C'est vrai ce qu'on dit, Maurice, que ton magasin vient de brûler ?» Et là, le Maurice met un doigt devant sa bouche et lui répond à voix basse « Chut, c'est demain. » Voilà. Non, mais si, c'est bien. C'est bien. Bah, oui. Je vais t'avancer un petit peu ton micro, je te sens un poil loin. Tu m'entends pas ? Je t'entends un peu loin. Comme j'ai tendance à plutôt bien m'entendre. Ah, c'est le retour. Hein. Oui, on a... sent pareil. Ça. Ah non. Oh non. Ah non. Oh. Bah oui. Oh, elles sont étranges, celles-là. Elles sont la confiture. Oui, alors, petite explication. On est en train de tester des bières que j'ai ramenées de mon petit périple. Mais garde-en pour toi. Pas le dingue. Ah, t'en as mis beaucoup, là. Et voilà, ça fait pas c'est pas grave. Et du coup, ce sont des bières que j'ai ramenées des Pays-Bas, mais qui ne sont pas forcément pays-bassiennes. Hein. Elles peuvent être... Bah si, celle-là. La première ? Ouais. Bah ouais, mais enfin, j'ai un doute. Bon non, c'est marqué en pays-bassien. Oui, un peu. Alors, parce que je les ai vraiment plus choisies sur... Votre bière. Sur les étiquettes, qui étaient très jolies. Donc là, on teste une Pulp Fiction. Non, c'est pas ça le nom. C'est pas Pulp Fiction, ça. Non, mais si. Non. Ouais. $5 shake. Oui, voilà. C'est le milkshake à $5. Le fameux milkshake à 5. Alors, encore, comme vous êtes généreux. Ah, non. Alors, ce n'est pas le trinquage. Ne vous faites pas avoir par ce petit bruit de verre, c'est le servage. Ouais, parce qu'il faut servir maintenant. Parce qu'on attend pour trinquer quand même. Là, on est à 3 minutes 35 et on n'a pas trinqué. On est très pas grave, c'est pas grave. Écoute, regarde. Allez! Hey, c'est là que tu reconnais une bonne bière, c'est qu'elle mousse bien. Ou que tu ne sais pas servir. Ah, le mélange n'était pas annonciateur de ce goût. Ce petit silence. On est toujours là. Bon, alors. Donc, c'est l'épisode retour après les vacances. Ça fait à peu près 15 fois qu'on dit ça à chaque fois qu'on s'absente une semaine. Qu'on part en vacances. Donc, il y a eu quand même pas mal de choses qui s'est passé, notamment cette semaine. Oui. Et heureusement, ça fait plaisir. On a enfin des réponses sur des questions qu'on avait. Donc, on va vous en parler dès ce soir. Mais avant ça, ça a été ta semaine ? Ouais ! Tes vacances, ça a été ? Ouais. Bah, boulot, hein. Oui, voilà. Mais... Oui, mais c'était bien quand même. Ouais, c'était sympa. D'accord. Je me suis bien cassé partout. Pourquoi ? C'était sympa. Bah, c'est un, ouais. D'accord. Voilà. Et toi ? Ta petite semaine, ça a été ta petite semaine ? Bah écoute, la voiture a tenu. Ouais. Fait amusant, la voiture a tenu. On a eu un autre problème de voiture sur la route qui n'était pas le premier, mais c'était. Ah, c'est amusant. C'est amusant. Effectivement. Et oui, donc ça a été. Donc Amsterdam est une ville très agréable. Hein. Bon, après, quand t'as vu un canal. C'est pas faux. Deux canals. Trois canals. les vélos qui s'empilent sur les... Au bout de 75, en fait, t'es plus trop surpris, tu fais, c'est joli. T'as été dans la rue rouge, non ? On a été juste à côté. Ouais. En fait, on a essayé au début d'y aller, et puis plus on s'approchait, plus les devantures de magasins étaient un peu... Osées. Mais elles étaient not enfant conseillées. Ouais, c'est donc, ça. Donc on a essayé d'esquiver un peu ça. Par contre, c'est une belle ville, mais j'ai pas eu l'effet waouh comme attendu. Par exemple, si je devais faire une comparaison qui n'en est pas une, dès notre arrivée à Bordeaux, on a fait waouh. Genre, ah, on aimerait trop vivre là. Mmh. Là, au bout de 3 jours à Amsterdam, on s'est dit, on reviendra peut-être. Mais pas. Non, oui, non, c'est sympa pour se balader, mais pas. Ouais, voilà. Du coup, on a mangé la meilleure tarte aux pommes de la ville. Tout à fait. Alors, par contre, comme nous, de là où on est actuellement, bah, la tarte aux pommes, on maîtrise. Ouais, c'est vrai. Donc, forcément. Elle était très bonne de là aller jusque là-bas pour ça. Ouais. Voilà. Par contre, je tiens quand même à féliciter tous nos confrères des Pays-Bassiens pour leur route. Qui sont vraiment, c'est agréable de conduire là-bas. Quand tu as une sortie d'autoroute, quand tu t'insères, tout est trop, trop bien fait. Sérieux ? Bah ouais, en fait, quand tu t'insères, la voie, elle est créée. Il peut y avoir 5-6 voies pendant longtemps. C'est pas grave, ils s'en foutent. Ah ouais ? Ouais, et puis il n'y a pas de péage. Oh la vache. Donc, c'est marrant, ça, quand même. C'est dingue. Et c'est propre. D'ailleurs, la ville d'Amsterdam est très propre. Ouais. Il y a beaucoup de choses comme ça. Par contre, coup de gueule. Oh, ça y est. 50 centimes pour aller faire pipi. Enfin, pour aller aux toilettes. Chaque fois, partout. Sur les aires d'autoroute aussi, pareil. 50 ouais. centimes, même dans les commerces. Il y a pas moi. Moi, j'avais demandé à une jeune femme d'utiliser ses toilettes. Bon, allez-y. Dans sa maison ? Non, dans son bar. Je suis rentré dans le bar, j'ai envie de pisser. C'était il y a combien d'années ? Ah bah il y a un moment. Voilà, donc aujourd'hui tout est, enfin de ce que j'ai vu, on a vu un commerce, c'était Starbucks qui nous filait le code pour y aller, sinon tous les autres étaient... Le code. Sinon, fait amusant qui peut-être te fera rire, c'est que je pensais mon anglais plus adapté. Ah oui ? C'est-à-dire qu'en fait j'ai fait un truc qui est très, très... Je m'en suis pas rendu compte, mais en fait... Limite scolaire ? Non, c'est que je répondais en français. Avec l'accent anglais. D'accord. Genre, je répondais d'accord. Ah ouais, carrément. Ce genre de choses, mais je m'en rendais pas compte. C'est après, on me le signalait. T'as dit d'accord là. Non, je sais pas. Si, t'as. Ah. Ou je répondais parce qu'on me posait comme. Ce qu'on me disait. Ouais. Genre, j'arrive dans un commerce, la fille, elle me fait welcome. Je répondais welcome. Ok. Ah ouais, vraiment. Oh, merde. Alors que pourtant, quand il fallait commander, je m'en sortais bien, ou quand il fallait parler, ça allait. Ouais. Mais j'ai eu quelques moments... Ouais, sur le tac au tac, ça n'a pas marché. Bah, sur ça, non. Sur les autres trucs, ça allait. Genre, si le mec, il y avait un truc, il dit, non, vous voulez plus ça, je dis, ouais, j'arrivais à gérer. Ouais. Tu sais, j'arrivais à m'exprimer. Mmh. Sauf que mon cerveau, des fois, buguait de... Ouais. Faisait un mix des deux langues. Okay. Et donc, quand on arrive au Starbucks, ce qui était très amusant, j'ai dit, bon, allez, c'est bon, là, je me suis planté 2-3 fois, je veux me reprendre. Bonhomme, quoi. Ouais. Bon, je regarde, je voulais commander une part d'un gâteau, et je dis, merde, y a pas l'étiquette. Et donc, ma colocataire qui était présente me dit bah, tu dis ça comme ça. Non, mais je sais comment le dire. Je cherchais le nom du gâteau. Puis j'arrive, j'ai hello, I want some. Vous êtes français ? Oui. Putain. C'est jusqu'au bout, quoi. Je dis, d'accord. Voilà, j'ai une part de gâteau, là. Le truc, là-bas. Le black. Puis je vais prendre coffee. Le coffee. Non, mais dégoûté, quoi. Voilà, c'était pour la partie. Ouais. C'était assez amusant tout ce petit côté-là. Sinon, on avait une location qui était pas mal avec un flipper, une borne d'arcade. Sympa. Ouais, très sympa. Même s'il fallait la débrancher à chaque fois, donc tous mes super scores où j'ai battu tout le monde n'étaient pas en mémoire. Ouais. Mais comme j'ai battu personne, c'est pas très bien. Bah voilà, c'est ça. Voilà, c'était. Puis Jack, de toute façon, ça prend quoi. Bah, pas 3 lettres. Si, tu fais J-A-K, Jack. Ouais. Bah tu l'écris comment, toi ? Moi, j'écris ça. Oui, c'est ça. Très bien. Bon. Est-ce qu'on y va ? Bah non, ça fait déjà un moment. On attaque les news. Allez. Donc, on va commencer par les interviews qu'il y a eu depuis la dernière émission. Il y en a eu 3. Et Bob, on a lu la moitié d'une. Oh, et ça va. Hein. Donc, on va la première dans l'ordre, c'était Parkway Drive. Elle était principalement axée sur le nouvel album et leur changement d'orientation musicale. C'est ça. Donc du coup, on va pouvoir faire d'une pierre deux coups. Normalement, on devait écouter l'album pour cette émission. L'as-tu écouté ? Je crois que j'ai écouté un morceau, c'est tout. Mais ouais. J'ai pas tout écouté. Eh ben, donc bah écoute, si tu veux, tu réécouteras. On le réécoutera. D'accord, parce que moi je l'écoutais. Bah, en termes de changement d'orientation, oui, mais c'est dans la continuité, je dirais, de ce qu'était l'autre. Dans l'interview, ils ont l'air de dire que l'autre était la fin d'une ère et celui-là le début d'une nouvelle. Mm. Et Je pense qu'il faudra voir donc du coup avec le prochain. Par contre, ils ont l'air d'être arrivés à un point où ils sont en mode voilà, on fait ce qu'on a envie de faire, nous on est content de ce qu'on a fait, puis tant mieux. C'est exactement ça, parce que ouais, c'est exactement ce que j'ai lu. Ouais, et du coup, voilà, ça va plaire aux gens, tant mieux, puis ça plaît pas, tant mieux, parce que voilà, nous on a fait ce qu'on voulait faire. Je l'ai tendu, je l'ai senti, donc c'était le chanteur qui s'exprimait, je l'ai senti totalement détaché du truc en fait. Il était en mode, ouais, je suis content, je fais de la musique, ça me fait plaisir, c'est kiffant. Ouais, non, non. Puis il était content de revenir au Hellfest, mais il était en mode vraiment. En fait, en gros, ce qu'il avait l'air de dire, c'est que ça fait un moment qu'il fait de la musique maintenant, donc il connaît bien tous ses potes et tout. Et en fait, c'est cool de faire de la musique, mais il y a des choses tellement plus importantes que. Voilà. Genre, il dit, voilà, on vieillit, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont malades, on perd des potes, on perd des trucs, puis voilà, nous on fait juste de la musique, donc on essaye de le faire de la meilleure façon qui soit, mais si ça plaît, tant mieux, puis Ça leur plaît à eux déjà. Ouais, c'est ça, ils sont contents de ce qu'ils ont fait, et ça s'est bien fait. Ouais. T'as retenu d'autres choses dans cette interview ou Non, pas? je te dis, j'ai lu, je pense, la moitié, mais après, sans retenir plus que ce que tu viens de dire, vraiment, quoi. J'ai survolé. L'autre interview, ça va être de Bukowski, quel groupe qu'on doit un petit peu chroniquer dans cette émission. Oui. Ça a été une interview par mail et ça se sent, je trouve. Parce que les échanges sont du coup. C'est C'est cash. succinct. Ouais. Et le seul truc que j'ai vraiment retenu de l'interview, c'est. Ouais, non, c'est des mecs, en fait, ils viennent à un festival pour s'amuser. Parce qu'ils sont contents de venir, parce que Ben c'est oui. cool. Mais ils sont aussi hyper contents de venir pour pouvoir profiter Ben oui, normal. de ce que j'ai vu, quoi. Tu sais, genre. Ça vous fait quelque chose d'être un peu au Hellfest et tout. Ouais, c'est cool, on va aller voir des groupes, on va aller se mélanger avec le public. Moi, je vais aller voir Meshuggah. Ouais. Et puis, ouais, ça m'a marqué parce qu'il m'a même dit, ouais, puis c'est la première fois que j'ai pu voir Iron Maiden et tout. Genre. Ouais. Ouais, donc, t'as plus vraiment l'impression des mecs sont fans du truc de venir. Et puis, en plus, on y joue, c'est cool. Ça fait vraiment, en plus, Voilà, on y joue. ouais. On va venir au Hellfest et en plus, on peut y jouer. Voilà, donc sinon, à côté de ça, pas grand-chose. De percutant. Non, parce que très succinct. Ouais. C'est le problème des interviews par mail. Et la dernière interview, c'est Satyricon, que toi, tu n'as pas du tout lu. Non. Et en fait, elle est assez intéressante parce que il a une. Comment on appelle ça? Il a une. Il parle de l'art et la manière dont on l'appréhende tous et de l'art et que, comme par exemple, il parle du fait de chroniquer la musique. Et j'ai trouvé ça intéressant. Parce que Je vais lire ça. ça nous a fait penser un peu à nous. Alors j'ai essayé de lire sans se faire trop longtemps ce qu'il a dit. Alors, il dit, moi j'aime l'art, particulièrement dans sa représentation visuelle, mais j'estime que je ne devrais pas chroniquer des œuvres pour autant, car je ne suis pas un expert. Pour lui, il tient bien à préciser que c'est important d'être expert quand tu vas parler d'un truc, sinon faut que tu sois capable de vraiment en parler comme d'un mec qui connaît ce qu'il dit. Il prend un exemple, il arrive que des chroniques se résument à ça. Ouais, je suis allé voir Satyricon, j'ai raté mon train, donc j'ai raté les trois premiers morceaux, mais j'ai trouvé que l'atmosphère était super, je suis allé au bar, acheter des bières avec des potes, et il y avait une bonne énergie qui se dégageait. Et il trouve ça complètement stupide. Il dit, car pour lui, ça n'a rien à voir avec la musique. Je pense que je suis un expert en termes de musique, et si je devais écrire une chronique, je ferais un effort pour décrire ce que cette écoute procure, ce qu'elle exprime. Et en fonction de mon analyse et de mes interprétations, décrire ce que je pense que les artistes essayent de transmettre, et s'ils parviennent à le faire avec succès. Mais aussi exprimer ma perception et imaginer ce que sera celle des autres. Voilà donc pourquoi je n'écrirai pas de chronique sur des tableaux, parce que je les apprécie, mais que ma connaissance sur le sujet ne me permet pas de communiquer de manière professionnelle à des amateurs d'art. Et je trouve ça. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. En plus, plus loin, il va parler de l'art et faire des comparaisons avec des livres et tout ça, de dire à quel point ça peut nous chambouler, à quel point ça peut être interprété différemment, tout ça. Mais il fait même la différence après entre la manière d'appréhender. La musique de Satyricon en live et en disque. Bref, tout ça, c'est super intéressant et ça me fait penser à nous parce que justement, on est tout le temps en train de se remettre en question par rapport à nos manières de faire nos chroniques, de dire qu'on n'arrive pas encore, en tout cas aujourd'hui, à atteindre le niveau qu'on aimerait, dans lequel on se sentirait assez. Comment dire je n'ai plus le terme. Oui, qu'on arrive à exprimer vraiment avec des mots ce qu'on ressent et qu'on puisse le transmettre aux gens qui nous écoutent Voilà. en se disant ah ouais, c'est pas faux. Voilà. Et voilà. Et que du coup, le fait de l'entendre parler de ça, moi, m'a donné envie d'aller réécouter Satyricon. Parce que quelqu'un qui pense ça et qui attend ce genre de chronique ou qui a un avis comme ça, fait forcément de la musique avec un intérêt, enfin avec quelque chose d'intéressant. Oui, bien sûr. Et pour un, voilà, donc ça m'a, j'ai trouvé cette interview assez intéressante justement parce qu'il fait des bonnes et longues réponses sur tout ça et c'était pas mal. J'irai lire ça. Voilà. Et mais je partage tout à fait son avis et jamais on s'est nous posé en tant que justement professionnels. On est vraiment deux potes qui discutons et qui essayons de donner notre avis de la manière qu'on estime le plus sympa. Alors souvent, on habille avec des blagues, on habille avec des trucs. On n'a pas tout le temps les mots non plus. Voilà, hein. On n'a pas ni tout le temps les mots. Et surtout, on essaie de faire attention à dire qu'on parle en autre sujet à nous et que si des fois on est extérieur à tel ou tel type de musique et de métal, bah on essaie quand même d'en dire quelque chose. Et c'est peut-être en ça où je pense que notre avis peut avoir un minimum d'intérêt, c'est qu'on peut apporter une petite pierre au truc. À partir de la... Pour toutes les autres pierres qui restent, n'hésitez pas à nous les envoyer. On le mérite largement. J'ai vu que mon cher ami Bob avait marqué en news le shooting Hellfest. Oui. Tu veux-tu t'en occuper ou... Alors, c'est que j'avais marqué ça, moi. Shooting. Ah oui, toi, tu reprends direct la dernière, en fait. Ah, c'est pour revenir après, je laisse la grosse annonce pour la fin. Ouais, bien sûr. En fait, il y aura un shooting donc le 27 mai, jour de la fête des Mormons. Donc voilà, qui se passe au château, dans l'enceinte du château des Ducs de Bretagne à Nantes. Voilà. C'est de 14h à 19h. Et en fait, c'est un shooting de fans, en fait. Hein. C'est, voilà, c'est un professionnel qui va venir. Et qui va shooter des fans, tous les gens qui veulent être présents, voilà, qui viennent. Donc c'est bien marqué, précisé que il faut venir tel que vous êtes tous les jours, sans fioritures, sans faire genre t-shirt Hellfest machin truc. Il faut venir comme vous êtes tous les jours. En fait, c'est pour montrer un peu bah, le côté divers justement du public Hellfest. Voilà, de voir. Donc voilà, j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Après, bah c'est sûr, c'est forcément les gens qui vont être le plus près qui vont pouvoir participer au truc. Ouais. Ça pénalise le mec de Strasbourg qui se déplace pour le Hellfest. Ah voilà. Bah ça pénalise aussi même les Australiens dans ce cas-là, mais... Ouais. Oui, voire même les Papous. Sont... Est-ce qu'il y a des Papous qui viennent? Ah, alors s'il y a des Papous qui viennent au Hellfest... Et bah, qui nous écoutent. Et qui nous écoutent. Et qui peuvent témoigner, voilà. Balancer un tweet, c'est... c'est moi le Papou. Hashtag c'est moi le Papou. Hashtag Papou. Non, voilà. c'est plutôt une bonne initiative, c'est vrai. Et donc, apparemment, il y aura un tirage au sort, hein, si je ne me trompe pas. Pour gagner des trucs. Les 14 gagnants sont les points récompensés d'un pass 3 jours pour la 14e édition, par contre. Ah oui, pour l'année prochaine. D'accord. Voilà. Bon, c'est déjà ça. Hein. Ben ouais. Très bien. Ouais, non, c'est une. C'est... Enfin, c'est toujours un truc en plus qui est sympa. Bah ouais, je trouve que c'est... Après, voilà, si ça passe l'après-midi, quoi. Si c'est à l'image de ce qu'on voit en photo de couverture sur l'événement Facebook, c'est avoir une photo en double exposition. En plus, ça se trouve, il peut y avoir des photos très, très stylées. Ouais, carrément. Donc voilà, c'est de 14h à 19h au Château des Ducs de Bretagne, le 27 mai. Très bien. Alors, autre news... il y avait le tremplin de Voice of Hell qui a donc trouvé son gagnant en la présence du groupe Redemption qui jouera donc en Main Stage 2 le samedi 23 juin 2018. Pardon. Bravo à eux. C'est important de saluer. Petite particularité du groupe qui, je pense, a quand même dû jouer dans la balance. Donc, c'est un groupe qui a été biberonné au son de Motorhead, de Ramones, de Slayer... et de GBH. Les deux frères du groupe Redemption ne sont pas là pour faire de la figuration. La bande est composée de Matt, âgé de 16 ans, chanteur-guitariste, Rod, âgé de 10 ans et véritable surdoué de la batterie. Ils partagent avec leur bassiste de pair la même passion pour le rock qui cogne dans l'enthousiasme et la fraîcheur propre à leur jeunesse. En moins de un an et une douzaine de concerts, notamment avec Dead Kennedys, Deez Nuts, Phil Campbell et The Bastardson, Nagil Pussy, Ultra Vomit, Redemption a démontré sur scène sa maîtrise de la recette explosive du rock'n'roll. Alors, j'ai pas été écouté. Non, mais moi, ça me donne envie. Ouais, moi aussi, parce que pour le principe, je trouve ça déjà super stylé. En plus, j'imagine énormément la fierté du papa avec ses deux rejetons. Carrément. Ça m'a complètement d'ailleurs fait penser à toi qui, d'ici quelques années... ouais, pourrais... c'est clair. Alors, peut-être pas forcément avec ton grand. Hein, mais... Ah non, non, c'est sûr. Non, mais par contre, avec... Avec les deux autres. Avec les deux derniers, ouais, je pourquoi pense pas. Qu'il y a moyen. Mais voilà, non, j'ai trouvé ça vachement bien. Et c'est vraiment cool d'avoir cette opportunité pour eux d'aller jouer sur cette scène, hein, comme, comme c'est souvent le cas de manière avec, grâce au tremplin. Du coup, j'ai pas du tout été écouté et je vais y aller, je pense que toi aussi. Donc, on vous fera un retour sur ce qu'on a écouté. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on passe à la dernière et non moins importante news? La grosse news. La grosse news. La Donc grosse déjà, news. Je vais recontextualiser et après toi tu vas recontextualiser ce que tu m'as dit tout à l'heure. Savoir quand est-ce que tu l'as appris. Ouais. Donc moi lundi matin au boulot j'étais là donc je travaillais parce que j'étais au boulot. Quand notre cher ami Julien est arrivé, il m'a dit t'as vu, il y a une grosse news aujourd'hui de prévu. Je dis non parce que j'ai pas vu. Et il m'a dit mais si j'ai pas vu. Et il me montre effectivement qu'apparemment via un tweet où le Hellfest aurait répondu à un tweetos en lui disant il y aurait une grosse annonce demain. Et c'était le dimanche. Ce qui nous mettait donc l'annonce le lundi. Et effectivement, il y a une grosse annonce le lundi. Toi, par contre, parcimonie, t'as dit Alors, je ne sais plus quand. Je ne peux pas remettre dans le temps. Mais elle me l'a dit quelques jours avant. Mais juste pour Manson et Turbo Negro. Et Turbo Negro. Oh, il y a eu une modif dans le Running Order. Elle m'a dit, je vais pouvoir voir les deux. Voir les deux. D'accord. Donc, du coup, lundi à 13h13. Eh ben non. Eh ben non. Lundi à midi 20. Quelque chose comme ça. Ouais, c'était ça. Ils ont sorti leur post, à savoir qu'ils annonçaient donc enfin qu'effectivement, on le sait depuis un long moment maintenant, mais ils n'ont pas du tout communiqué là-dessus, mais il y avait donc Electric Marie qui jouait sur la Main Stage 1 qui ne viennent plus et qui sont remplacés par Mosh Generator, que je n'ai pas encore écouté, mais que Bob a fait, on en parlera donc une prochaine fois. Il y a eu l'annulation aussi de Steven Seagun qui vont être remplacés par les Français de Zwinkels, et ça, on l'a déjà dit la dernière fois, je crois. Oui, c'était Julien qui m'avait dit aussi qu'il avait vu le truc passer. Il en voit. Il est à fond, le mec. Ah, c'est clair. Et donc c'est le groupe de Gérard Bast, donc qui va venir retourner un petit peu la Warzone. Et le dernier changement, alors là, pour le coup, je suis assez surpris parce que j'avais pas vu que Young and In the Way ne venait pas. J'avais vu dans le premier Running Order qu'il y avait un trou, enfin, il y avait un autre nom de groupe. Le dimanche, à l'heure où ils étaient censés passer. Ouais. Donc, a aussi disparu. Et du coup, ça va être les New Yorkais de Tombs qui les remplaceront sous la Temple. Mais je n'avais pas du tout vu qu'ils étaient allés. Ah, c'est ça que tu n'avais pas. Non. Sinon, autre petit changement. Il y a Crowbar qui échange leur plage horaire avec les Japonais de Church of Misery. Le groupe Hatebreed jouera un peu plus tard sur la Warzone le samedi pour laisser la place quelques heures plus tôt à Cro-Mag. Et maintenant, pour ce qui est du dimanche. Les horaires entre Main Stage 1 et 2 ont été inversés sur toute la journée. Et je ne sais pas pourquoi ils précisent que les L7 se produiront sur la Main Stage 1. Alors je ne sais pas où ils devaient se produire avant, mais pourquoi ils précisent forcément celui-là. Mais bref. Donc tout ce qu'il y avait avant. Citer un groupe peut-être. Hein ? Pour citer un groupe. Peut-être, ouais. Donc bref, le dimanche, c'est modification totale. Alors, moi, par rapport à mon running order de l'imaginaire que je m'étais préparé dans le cas où je viendrais au festival cette année, mais comme on l'a pas dit qu'on le faisait, même si on a bien laissé comprendre que peut-être on viendrait quand même, eh ben, ça me change pas mal de choses sur le dimanche. Et du coup, tu y vas ou pas? Je sais pas, je me tâte. Non, parce que rien que le dimanche matin, par exemple, les trois premiers groupes, je veux les voir. Ah ouais? Ouais. C'est qui? Il y a The Ravenage, Malkavian et The Texas Chainsaw Dust Lover. Ah, bah, moi, mon choix est fait. Ah mince! Lequel est-ce? Mais Malkavian, tu voulais les voir? Bah oui. Bah je sais pas, je ne sais rien. Je vais réécouter. Ah là, j'ai allumé le doux. Je vais réécouter. T'avais beaucoup aimé hein, Malkavian. Ouais, bah je vais réécouter. Il y a aussi. Excusez-moi, je viens compléter. Il y a aussi Rotten Sound qui change avec The Lurking Fear sur la scène Altar. Sachant que dans Lurking Fear, il y a des membres de At the Gate. 3 sur 5. Quand même. Ouais. Donc, c'est pas rien. D'ailleurs, on parlera sûrement de At the Gate la semaine prochaine parce qu'il y a une grosse interview sur le site de Radio Metal et en plus ils sortent un nouvel album. Donc on aura sûrement des choses à dire. Voilà, donc c'était la grosse news de cette semaine. Ça fait partie de manière des annulations, il y en a tous les ans. On ne cesse de le répéter. Exact. Par contre, il n'y avait jamais eu un changement comme ça d'inversion totale d'horaire. Donc c'est maintenant. Une première. Ça fait un petit peu suer Mais on va essayer de s'arranger avec. Hein. Ça change certains programmes. Ça, par exemple, je me retrouve avec des trucs comme L7, Exhumeur et Grave Pleasure avec rien à voir. Voilà. Des trucs comme ça. En fait, je me retrouve plus avec des moments où il n'y a rien à voir et des moments où... Oh, peut-être Exhumeur. Non. Bah, je sais pas. Tu vas voir Exhumeur ? Non, je sais pas. Je sais même pas si on y va. Bah, j'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit que j'y allais. Par contre, petit point positif, je vais pouvoir voir Killwitch Engage, si j'y vais, et Zillian Ardor, si j'y vais. Ouais, mais c'est vrai que je suis assez curieux quand même de voir ce que ça peut donner, Zillian Ardor. Bah, j'ai regardé quelques vidéos live. Là, j'ai regardé aussi, ouais. Ça passe ? Ouais. Ça passe pas mal, hein. Du coup, ah, par contre, entre Batushka, Arch Enemy et Backyard Babies, mon cœur balance pas trop. Batushka, hein. Bah écoute, je vais en parler, j'en ai écouté. C'est vrai ? Ouais. Donc voilà pour les news du Hellfest. Voilà. On va passer aux news metal. Je te laisse la première. Dead Cross. Yepa. A enregistré un EP 4 titres, surprise, intitulé Dead Cross, comme le nom du groupe. C'est rigolo. C'est rigolo, ouais. Il contiendra deux nouvelles chansons, Skin of a Redneck et My Perfect Prisoner, dont ils n'ont même pas ils ont tiré un clip. Un petit clip, apparemment. Alors, attends. Juste parce que comme la dernière fois, tu m'as taillé parce que j'avais mal écrit et fait des fautes. Là, tu peux dire que c'est toi qui es incapable dont de dire. Ils en ont même tiré un petit clip. Merci. Hein. Voilà. Donc, c'était bien écrit. Ben ouais, c'est bien écrit. Merci. Les deux autres titres seront des remixes du premier album, à savoir Child Leg et Church of the Motherfucker. Petit détail, le groupe va partir en tournée dès le début du mois de juin, avec en première partie un certain Die Lake. Voilà. Alors c'est cool, parce qu'en même temps c'est ce que j'avais un peu dit dans ma chronique, c'est qu'ils n'avaient pas de quoi tenir un set complet. C'est pas faux. Et que j'avais spoilé en disant qu'ils faisaient des reprises de Slayer. Ouais. Donc là, bah, ils vont avoir de quoi maintenant tenir, une ou deux chansons près. Voilà. J'ai écouté rapidement la chanson, donc je ne peux pas trop avoir un avis dessus. Toi, tu ne l'as pas écouté ou... Non. Donc on va la réécouter très vite. Et j'ai précisé pour le truc de Die Lake, pour en fait, on doit être passé à côté de quelque chose. Tu crois ? Bah, ou alors c'est vraiment qu'une question de fric quelque part, mais voilà, c'est à un moment donné... Je sais pas, moi j'ai été réécouté. Ouais. Voilà. C'est pas ma cam déjà de base, donc après j'arrive pas trop à me faire vraiment une idée. T'as écouté quoi ? Oh, je sais plus. T'as piffé dans le tac-tac au hasard ? Celui avec l'espèce de guépard. Là. Ah oui ? Ouais. Ah, le guépard ? Ouais. Ouais. Ouais, mais je sais pas non plus. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'un groupe comme Dead Cross qui se retrouve avec, sur la tournée avec Die Lake en première partie, ça veut dire quand même que... Bah oui, c'est ça qui est... Bah c'est pour ça, donc... Est-ce qu'on loupe quelque chose ? Bah, c'est ce que je me demande. C'est pour ça, en fait, j'essaye de voir le lien, je ne le vois pas. Disez-nous, vous, si vous connaissez. Mais oui, aidez-nous, ne nous laissez pas dans notre... Voilà. Dans notre truc. Dans notre merde. D'ailleurs, je vous parle. J'ai acheté le nouveau Rockhard. Je l'ai pas encore feuilleté, mais dedans il y a une interview des mecs qui font le download et tout ça. Donc j'aurai peut-être sûrement des choses à dire dessus la semaine prochaine. Oula. Ouais. Ça va chier. Bah je sais pas, je l'ai pas lu. Ah oui, d'accord. Mais ça peut être intéressant d'avoir le retour de ces mecs-là. En même temps, les trois quarts des gens ont déjà sûrement le Rockhard et les gens qui nous écoutent doivent déjà dormir parce que ça doit bien faire plus d'un quart d'heure. Là. T'imagines ? Certainement. Ouais. T'imagines, on est le podcast qui sert à s'endormir. Cool. C'est pas mal. Bah ouais. Moi je pense que c'est pas mal. On aurait dû s'appeler Nicolas et Pimprenel. Ah putain, on aurait tellement dû faire ça. Putain. On a loupé quelque chose. News suivante. Tremonti, dont le quatrième album Dying Machine est toujours prévu pour le 8 juin, a publié une lyrique vidéo de la chanson Bringer of War. Donc bah, comme c'est très à la mode en ce moment, et je suis pas forcément fan à ce niveau-là, les groupes sortent de plus en plus de titres avant la sortie même de l'album, afin de faire monter la hype et de rallier le plus de gens possible. En fait, je crois que je préférais l'époque avant où on balançait un titre ou deux max, et puis déjà même un titre c'était bien avant la sortie, et même souvent le single sortait en même temps que l'album. Maintenant, on est à une ère où tu vas avoir déjà écouté la moitié de l'album alors qu'il n'est pas sorti. Puis le jour de la sortie, tout le monde va se jeter sur Spotify, Deezer, Napster, va l'écouter en entier. Ben voilà. Tu vois, ça me Et fait ils auront tout gagné. ça me fait un peu de peine, tu vois, parce que tout à l'heure, j'étais justement parti d'un autre disquaire de la ville. Et je regardais les albums, et en fait, j'en ai pas vu que je voulais. Dont j'avais envie de m'acheter. Ouais, Ah ouais? parce que j'ai vu des trucs que j'avais écoutés, Bien sûr. et bien pas forcément. J'avais pas forcément envie d'aller plus loin. Ouais. Tu vois? Je me dis, bah non, je veux bien le réécouter, mais j'ai Spotify. Et c'est pas cool. Enfin, sur le principe, c'est pas cool, mais il n'y avait pas en même temps de trucs qui me donnaient envie. Moi, j'ai craqué. Oui. Bah, t'as acheté des nouveautés que t'aimais bien et qui étaient plus justifiées. Ouais. Il y en a un dans le lot que j'aime beaucoup. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Est-ce que tu fais la prochaine ou celle d'après? Tu veux peut-être la faire, toi qui es plus un connaisseur Très bien. de ce personnage. Wes Borland, guitariste melting pot de Limp Bizkit, a un nouvel album solo dans les tiroirs, parce que sûrement qu'il s'ennuie. Le musicien explique notamment vouloir proposer une voix androgyne inspirée de groupes d'électro comme Planet Rock, Air, Daft Punk et Aphex Twin. Un premier extrait intitulé Matador et Doctor, qui est déjà quand même un super titre, est déjà dispo. J'ai écouté à peu près 15 secondes. Ouais. Tu connais Aphex Twin? J'aime bien ce qu'il fait. Non, mais je peux l'électro, c'est pas. Je préfère Daft Punk. Quitte à aller là. Après, Planning to Rock, je connais pas. Air. Comme tout a dit, franchement, d'Aphex Twin et Bah, faudrait que j'écoute ouais, alors. écoute comme tout a dit. En fait, je vais être honnête avec toi. Alors, si je dis pas de conneries, j'avais Aphex Twin, c'est bien lui qui avait un clip où il y avait sa gueule sur tous les personnages. Ouais, Ah, bah, c'est super glauque. ouais, ça m'a trop glauqué, Ouais, moi. Ah, ouais, je suis c'est assez. Je suis resté bloqué là-dessus. Mais c'est encore une fois, c'est ce que je t'ai déjà dit. Les clips, c'est pas le. C'est l'ennemi du mal pour écouter une chanson, moi. Ouais. Du coup, je suis resté bloqué Ah, je devais avoir un ou deux albums d'Aphex Ah, quand Twin. même! Ouais. Ah, ouais, toi, t'es un mec de l'électro, en fait. Ben non, pas du tout, non, mais j'aime bien ce qu'il fait. Ouais. Ah, bah, moi, j'ai Je un sais pas album trop ce de. qu'il fait maintenant. J'avais réécouté il y a quelques années, mais. Moi, j'ai un album de R. Ah ouais. Bah, l'album de Virgin Suicide. D'accord. Parce que j'aimais bien ce film. C'est avec Kirsten Dunst. l'actrice? Oui. Sérieux? Bah, c'est elle qui joue dedans. Ah ouais? Bah, Virgin Suicide de Sofia Coppola. Ah, oh putain, la foi, alors je Ah. remets pas les choses, moi. Bah oui, c'est ça, t'as un problème. Désolé. C'est pas grave, personne Ouais. t'en veut. Non, Sinon, mais il y a c'est. justice, hein. Hein? Il y a justice aussi, non? Ouais, mais moi. Ouais, moi. Moi. Je préfère Phoenix à la Ah limite. non, R, c'est oui, c'est bien le groupe électro, les deux mecs, là, c'est ça? C'est ça. Ouais. Attends, Non, est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde? Je sais pas ce qui nous arrive. Si on est en train de parler de musique électro, faut qu'on arrête. je ne sais pas. C'est pas eux qu'on fait Sexy Boy. Si, je crois. Ça, j'ai détesté. Ah oui. Ah, la chanson avec le singe, là. Oui, c'est ça. Oui, non, j'ai détesté ça. D'accord. Non, non. Qui passait sur M6 très tard le Ah, soir pour ouais, les non, non, non, non, asociales, non. les drogués. Ah, oui, bah, oui, non, non. Non, cette chanson, je l'ai en horreur. Elle doit faire partie de mon top 10 des chansons que je. Que je... Ah, c'est pas con ça. Avec. J'ai jamais fait ça Il y a mon top Blue 10. dedans. I'm Blue. Bah, je pourrais tuer pour cette chanson. C'est quoi? C'est qui? C'était des mecs. Je sais plus qui chantait ça. J'ai pas les noms, je déteste et tout. C'est partie de chansons que je déteste. Ouais. Ça, Mets de l'huile. Je détestais cette Oh chanson. putain, comment c'était ça? Bah, c'est. Mets de l'huile. Ouais, non, Une mais comment incité c'était une le incité. nom des mecs? Réglisse. Réglisse, Oh putain là la là vache. là. Alors que putain, j'adore le réglisse pourtant, mais Ouais, bon. en plus, ouais. Bon, bref, donc j'essaierai d'aller plus loin pour écouter. Surtout qu'il y a quelques mois, il avait sorti un nouvel album de Big Dumb Face. Donc, qui était plus. Enfin, étonnamment, dans un projet comme Big Dumb Face où il se permet tout, ça passe. Là, le peu que j'ai entendu me fait un peu peur. Et si tout l'album est comme ça, bah, je dirais, en tout cas, je dirais respect, mec, tu tentes des trucs, c'est cool. Bah ouais, C'est c'est pas bien. pour moi. Par contre, voilà, je continue de dire que ce mec est très doué dans tout ce qu'il fait. Voilà. Surtout qu'entre deux, il a retapé une maison. Ouais. Mec est dingue. Il a mis du double, Vita? J'espère. Ah bah, c'est J'espère. important. Faut toujours faire. Merde. Économie d'énergie. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Moi, j'allais dire, Qu'est-ce ouais, mais il faut toujours mettre deux couches. Donc. Ouais, c'est ça. Vas-y, je t'en prie. Ah oui, quand j'avais même pas vu ça moi. Alice in Chains sortira cette année son sixième album. Et The One You Know et en est le premier extrait voilà, du sixième album Du coup, de Alice in Chains. je suis, j'ai pas la date par contre. Tu n'as pas écouté, je suppose. Bah en fait, j'ai lâché moi après la. Après la. Voilà. Après Alice in Chains, j'ai lâché. Ah, pas après quoi? Mais non! Pas du tout! Après la mort de. Ouais. Non! T'as un album, tu m'as dit, d'après. Non, j'ai pas un album d'après. Ah bah complètement, tu me l'as dit. Non. Ah bah écoute. Non, je pense que c'était pas moi, mec. Putain, c'est vrai que je Tu fais te deux trompes. podcasts sur le Hellfest avec Bob et Rod. Ouais, J'ai c'est ça. pu totalement confondre l'un et l'autre. C'est vrai que c'est un Ah, peu. j'ai pas l'album d'après. Mais bien sûr que si! T'as... Non, mais il y a eu deux albums après. Ouais. Mais il me dit pas Celui que. avec le cœur en dessin et celui avec la tête de Triceratops. Bah oui! Eh Ah, tu ne ben, les as pas, mais tu en as non. écouté un. Hein. J'en ai écouté un, Ah bah ouais. voilà, pardon, bah excuse-moi. Ah, remets les choses, mec. Oui, mais donc tu en as écouté un et tu avais bien aimé, tu Contextualise. avais dit. Ouais, c'est peut-être. Faudrait que je réécoute Le podcast le où tu l'avais. podcast où j'ai dit ça. Je vais être certainement sous. Ça n'arrive jamais ce truc-là. Non, Bah en c'est tout cas, vrai. moi, je l'ai écouté, la chanson, et plusieurs fois même, parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ah ouais? En fait, bah, je trouve que ça reprend complètement tous les trucs d'Alice in Chains, le côté mélancolique et triste, avec une autre voix, certes, c'est pas la même, mais l'ambiance passe complètement. D'accord. J'ai vraiment beaucoup aimé, et ça faisait partie des groupes que justement je voulais aller réécouter, et que j'ai pas fait. Il est pas dans cette Je semaine. pense que je me fais de fausses idées hein, sur ce qu'ils ont fait, mais non, c'est vrai que Ah. bizarre, je sais pas pourquoi j'ai un blocage là-dessus, ça ne s'explique pas. Non, mais après, il y a des personnages qui sont pas remplaçables et il ne l'est pas, je suis d'accord avec Ah toi. ouais, non, Sauf c'est. qu'il reste quand même l'âme de, donc de Jerry Cantrell avec la musique et ça marche quand même. C'est peut-être moins fort, mais ça marche. Ouais. En tout cas, moi, cette chanson-là m'a bien plu, mais je le vois pas forcément comme la continuité d'Alice in Chains. C'est une autre version en fait, quelque part, je dirais. Ouais. Voilà. J'irai écouter. Dopetron, le fameux groupe canadien de doom metal, fameux parce que peu d'infos lors de ma chronique, mais qu'importe. Bref, le groupe sortira son nouvel album Trans-Canadian Anger, c'est marrant comme nom, le 25 mai, une nouvelle official vidéo pour le titre Killdozer. Alors, Oui, tu vois, Killdozer, ça laisse supposer un certain style. moi j'aime bien 12 heures. Ouais, mais Kill. Je connais pas. Mais Killdozer. Ah oui. Bah c'est voilà, le nom, le mot, ça donne une certaine image un peu en tête. Bah c'est ça, bah la chanson, ça sera ça. Je l'ai écouté, c'est ça. C'est vraiment. D'accord, ok. En plus, l'officielle vidéo, c'est que des, on va dire des vidéos de capture de mecs un peu fatigués ou qui ont des petits soucis, tout ça. Ah Donc ouais? c'est. Ouais, non, mais c'est. Ils sont toujours un peu comme ça. Santé, tout ça. Ouais, non, non, ouais, non. Non, alors je dirais peut-être écouter l'album parce qu'en même temps, il passe cette année, forcément. Et donc. Il passe en même temps que Misanthrope et Tesseract, et forcément, on n'a pas toujours envie d'aller voir d'autres gens. C'est ça. Donc, Ça peut arriver. j'avais bien aimé hein, ce que j'avais écouté de Dopetron, mais le problème, c'est qu'il y a très peu de choses de disponibles. Donc, voilà. Et puis, je suis un défenseur du Canada C'est ça. quand ils ont besoin, ce qui n'arrive Bien jamais, sûr. parce qu'ils sont Tu ne le contrebattent. blâmes pas, le Canada. Ah non, je ne fais pas ça, moi. À vous-même, jeune homme. Cataclysme, groupe également canadien, a prévu de sortir un album, Méditation, C'est vrai. d'ici peu, le 1er juin. C'est vraiment d'ici peu, le 1er juin, que c'est d'ici peu. Après Guillotine, premier extrait, Narcissiste, c'est ça, hein? Tu t'es pas trompé là, hein? Non? Et donc le nouvel Ah extrait de non. ce 13e album Mais oui, que que j'ai. t'attends beaucoup. Bah oui, que Parce que j'attends. j'allais pas dire Bah non. que j'attends beaucoup. Mais rap, cataclysme. C'est Cataclysme. le groupe que j'ai beaucoup aimé cette année. Tout à fait. C'est le Mais groupe. je me rappelle. Qui était avant Black Metalleux C'est ça. et qui est maintenant Death Metalleux. Death Metalleux, c'est Tout à ça. fait. Et bah très bon titre encore. Tout à fait. Ah ouais. Moi je suis hypé de ouf. Ok. Moi je Donc suis Cataclysme. là. Le 1er juin, je suis devant le magasin à. À attendre Cataclysme. Non, j'ai Spotify, mais. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu fais partie de ces gens-là. Non, bah. Tu veux écouter, puis après tu. J'irai. J'irai l'acheter. Ça me déçoit. Je lève la main droite solennellement. Et je Tiens, pose jure, ta main sur cette Bible. c'est ta main. Mais on s'en fout. Ah, d'accord, personne ne peut voir. Personne ne peut voir. C'est le. Solennellement, je dis que mercredi 16 mai, c'est ça, dans 14, 15 jours, il y a 31 jours au mois de. 30, 31 mai. 31. Bah, ah, bah attends, je vais vérifier. Non, non, 31. 31. Donc, que dans donc, bah, 15 jours, j'irai acheter l'album de Cataclysme si. Il est. Oh putain! Très bien. Oh là, ça va chier. Ok, très bien. Alors là, okay. Tu cherches la merde. Est-ce que vous... Alors là, moi, j'aime pas qu'on me manque de respect, mec. Ok, d'accord, je comprends. Tu veux la jouer avec moi? Ouais. Veux... Alors là, mon gars. Bagarre? Bah, je peux complètement bagarrer. Putain, là... c'est quoi, elle est scellée au mais, ciment, toi. L'album s'appelle Méditation. Alors, bah, je peux pas l'acheter. Parce que... Bah, je... Ah, si, si. Ah, ah. Attends. Ah, toi, tu le précommandes? Ouais, je le précommande, moi. T'es un ouf. Je suis un dingue. Tu le précommandes chez qui? Bah, chez Amazon, les meilleurs, ah ouais, frères. Précommande, tac, tac. T'as des frais de livraison, quand même. Rien à faire. Non, t'en fous. Alors, faut que je fasse gaffe, parce que j'ai déjà des trucs dans mon panier. Si je commande dans mon panier, ça va me coûter... 574 ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, il y a genre deux God of War. Pourquoi, normal. Je ne sais pas. Mettre de côté. Et quoi d'autre? C'est bon, il n'y a plus rien. Maintenant, je reviens. Précommander en article. Tiens, allez, bim. Ajouter au panier. Moi, je rigole pas avec les mecs comme toi. Ouh. Quoi? Sans celle-là. Sans le gâteau apéro. Intéressant. Voilà. C'est bon. Par contre, c'est une surlit, celle-là. Il y a carrément une couette. Voilà. Date de livraison estimée le 1er juin. Voilà, ok, c'est d'accord. C'est bon ? C'est excellent. Je regagne un petit peu de respect ou pas ? Complètement. Merci. Je peux annuler ma commande encore, je m'en fous. Mais là, tu perdras le respect. Tu le sauras pas. Eh ben, tu me le prêteras, tiens. Bah oui. Klims. Ça me fera un plaisir. Lucifer. Après Lucifer 1, qui avait plutôt bien marché, un certain Lucifer 2 est attendu pour le 6 juillet. Qu'est-ce qu'il y a? Elles sont chelous, cette bière. Oh là là, il est pénible, j'étais obligé de finir mon verre. Bref, attendu pour le 6 juillet. Quoi de mieux pour patienter qu'un clip? Et c'est la chanson California Sun qui a été choisie pour promouvoir ce futur album. Un clip très dans l'esprit de la musique du groupe. C'est-à-dire un clip avec une image 70s. Donc, les trois membres du groupe sont un peu comme sur la pochette, sur des motos, sur un fond vert, mais des motos qui bougent pas. Ah oui, merde. Ouais, non, c'est très... Ils ont même pas fait des traits pour faire genre... Ils ont fait aucun effort. Mais bref, c'est un peu dans l'esprit, ça fait un petit peu esprit décalé et ça marche bien. Et puis la chanson, elle passe bien. Un peu comme Lucifer en général. Toi, t'avais pas trop aimé ce que je t'avais fait écouter après l'épisode. Oui. Mais moi, je trouve que ça passe bien. Après, je suis pas non plus de là à aller précommander l'album sur Amazon. Comme ça, en direct, live. Non, pas tout le temps. Non. Je pourrais le faire, mais pas là. Je vous en prie. D'accord. À vous, les Europe, qui était une déesse. Ah, le 20 octobre, tu te souviens ce que tu faisais le 20 octobre ou pas? Mmh. Ouais, tu te souviens? Tu faisais quoi? C'est un vendredi. Ah, sérieux? Eh ouais. Ça part en quenouille. Mais également la sortie du nouvel album du groupe Europe. World the Hurt. Voilà. Tu sais qu'à un moment donné, il faudrait peut-être que tu les lises. Tu jures, tu sais, tu les lis rapidement avant, histoire de... C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ah ouais. Mais j'avais les yeux qui tombaient, donc du coup, je lisais une phrase d'un truc, et en fait, mon œil, et ça tombait sur autre chose. D'accord. Donc j'ai un peu tout mélangé, donc là, tu vois, je remets tout dans l'ordre, et je me dis, putain, c'est pas ce que j'ai lu tout à l'heure. Du coup, comme il faut battre le fer, tant qu'on en a du fer à battre. Elles sont super drôles, tes blagues. Ouais, t'as vu. Alors là, après, c'est écrit, mais il y a l'interprétation aussi. Mais je l'aurais fait pareil. Ah ouais? Ah ben, c'est dingue. Acteur. On lui donne un texte et le mec, bam, il en fait de l'or. Bah, de l'or. De l'or. Ça. The Siege est le nouveau single clip titre mis en avant par le groupe. Alors, dans ces cas-là, tu vois, quand je marque un truc comme ça, tu dis slash, clip, slash. Oui, d'accord. Regarde, refais. Ah oui. Refais. Attends, refais, tac. Vas-y. The Siege est le nouveau single slash clip slash titre mis en avant par le groupe. Ça HTTPS 2. Non, slash, non, c'est bon, slash... ça, c'est le lien, faut pas le lire. Ah oui, d'accord. Non, t'as vu, ça fait beaucoup mieux slash, tout ça. Ouais. Alors, je suppose carrément que tu n'as pas été l'écouter. Si, si, si. Ah bon? Non, je déconne. Non, putain, j'aurais été tellement surpris. Non, mais bah, en vrai, sans le faire exprès, j'aurais pu appuyer. Puis non, non, t'es pas comme ça, toi. Non, je fais pas un mec qui fait pas exprès. Non. En vrai, je te conseille pour que tu sois toi-même surpris parce qu'on parle de quand même. Mais on avait déjà, tu m'as déjà fait écouter un titre d'Europe et sans me dire que c'était Europe et tu m'as dit, tiens, écoute, et qu'est-ce que c'est? Bah, je ne sais pas. Je reconnais bien ma petite filouterie. Oh, tout à fait. Et quand tu m'as dit c'est Europe, je fais, oh, bah dis donc, tu parles. Et après, t'as rajouté trop. tu parles trop. Ouais, donc, tu vas... Oui, aussi, ouais. Quand ça arrive. Bon, alors je prends cette bière au, au doux. Alors tu feras attention, il y a un lit. Donc tu fais bien attention de mettre le lit. Sinon, tu me le donnes, parce que moi, je... T'aimes bien le lit ? J'adore. De quoi ? Bah, j'ai tout pris. Oh, bah, bravo. Tu vois ? Mais non, il en reste. En plus, tu me donnes la meilleure partie. Oh, c'est sympa. Oh, wow, la vache ! T'as l'impression qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le goût n'est pas du tout en rapport avec le boire. Ah, mais... Mais... Non, mais bois, tu vas voir. Attends, attends, on dirait qu'elle est malade. C'est clair. Oh, merde. Il faut pas boire. Sérieux, non, mais on dirait que c'est faisandé. Non, mais oui. On dirait un cerf mort depuis 15 jours. Ah, non, mais c'est horrible. Ah, mais elle mort sur un lit de champignons. Ah oui, non, mais... Ah, mais ça me donne pas envie de boire ça, moi. Ah si, non, mais goûte, tu vois. Mais moi non plus, au début. Hein. Ah, mais c'est horrible. Eh ben, bouge-toi le nez. Fais comme moi, sois enrhumé. Non, mais en vrai, elle sent hyper mauvais. Ah. Ah non, mais tu fais une tête bizarre quand tu bois. Le goût sent mauvais aussi. Hein. Ah non, non. Ah bah, j'en veux pas. Ah, t'es pas un mec de l'expérience. Si, allez, go, je m'en fous. Voilà. Oh, la tête que tu fais. Ah. Mmh. Oh. Elle est dégueulasse. T'as l'air d'avoir envie de vomir. Ah ouais, non, elle est pas bonne. Hein. Elle est pas bonne. T'aimes pas, non? T'as bien, toi? Bah, ça va. Ah. Moi, j'aime bien tout ce qui est faisant. Des... Ah ouais, je vais la mettre de côté. Ouais, là, tu la finiras la semaine prochaine. J'ai pas ça, celle-là, elle a l'air bien, celle-là. Ouais. Ah là, c'était horrible. Ça va te changer, là, c'est sûr. Ça va être... Ah non, mais c'est horrible. Ah, c'est horrible à ce moment-là. Bah, je trouve, moi, je. Ouais. Ça... Toi, tu peux boire ça? Bah ouais. Tu veux la fin de la mienne aussi? Bah vas-y, fais péter. Ah ouais, non, je fais... Attends, je regoute parce qu'il faut quand même. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est une de les Kerr. Alors, Kerr avec CK, hein, vous faites pas avoir. T'as pas fait de photo? Non. C'est une... Non, oh, mais bon... la photo de. Bon. Pour aller. Ah bah oui. Ah bah attends. Ah merde, bah j'ai une photo des... Bah vas-y, mets. Alors attends. Je vais mettre ça et parmi ces bières se cache une intrus. Voilà. Et t'as donné le nom, ça donne un indice, comme ça ils seront obligés d'écouter. Ouais, mais ils vont avoir la photo. Ah oui. Un indice est donné dans l'épisode. Voilà. Saurez-vous le retrouver? Ah la vache. Où est Charlie? Alors attends. Mais moi je la trouve, ça va, hein, il y a pire. Mac à niveau. Je te comprends pas. Bah oui, je dis, oui effectivement, j'ai mangé des trucs qui étaient périmés, qui étaient plus dégueulasses, mais c'était. Ouais. Enfin, je me suis arrêté. Hein. La dernière fois, j'ai même jeté de la viande parce qu'elle a, à l'ouverture du plastique, il y a l'odeur qui s'est dégagée d'un coup. J'ai fait. Oh. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ça m'est arrivé aussi. Ouais. Ça c'est horrible ça. Souvent avec la volaille. Hein. Ah non, jamais moi avec la volaille. Ah ouais. Non, souvent avec. Du porc acheté chez Carrefour. Ah tiens, c'est marrant ça. Mmh. Souvent le porc. Il est vert. Ouais. Ouais. Pareil, ouais. Non, en général, quand il a cette. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, tu vois souvent des viandes avec. Enfin, bah, rien d'extraordinaire. Bref. Bon, je la regoute, mais. Enfin, mais la sens pas avant. Ah, mais c'est pas facile. T'arrives à boire sans sentir, toi. Bah oui. Tu respires pas. Non. Je sais ce qu'elle sent. Elle sent les pâtés pour chiens. Ah bon? Ah, je trouve. Moi, ah. Ouais, je trouve que non, plutôt terrine de campagne. Aussi, ouais. Donne-moi ton briquet, il faut que je me change le goût. Tu vois, terrine de campagne avec des petits cornichons. Crac, je suis content parce que j'avais hésité à la boire là-bas, avec une autre. Ouais. Ah ouais, non. Elle est horrible. Oh, infâme. Ah, c'est peut-être le lit, en fait. Elle est peut-être pourrie, oui. Bah ouais. Ça m'est arrivé ça une fois pendant les vendanges d'acheter un pack de gold. Tu sais, tu connais la bière gold? Ouais. Eh ben, première gorgée, on avait acheté un pack de 12 en plus, on s'était fait baiser. Première gorgée de la bière, on a été obligé de jeter toutes les bières. Bah, ça, bah la pire, je sais pas comment elle était, dégueulasse. Et pas pire que ça. Hein. Ah non, mais là, c'est. Enfin, si, pire que ça, justement. Parce que là, bon. Bon, bref, on enchaîne parce qu'on perd du temps. Voilà. On aura fait que des news. En plus, on a énormément de groupes à chroniquer. Mmh. Alors. Napalm Death, je te disais l'autre jour, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de Napalm Death, ce à quoi tu m'avais gentiment répondu. En plus, ils ont sorti une compile, c'est con, on pourrait dire 2-3 trucs. C'est vrai, c'était le 30 mars, et la compile s'appelle Code Smear and Moron Common Slur. Ouais, manquerait plus qu'un nouveau clip pour que cette news soit des plus savoureuses. Exaucé avec Standardization, qui représente tout de même 2 minutes 45 de Napalm Death. Et ben, j'ai réussi à un moment donné me dire, c'est long. Mais sinon, c'est pas mal, c'est un beau morceau. Sympa, ouais. Du c'est un beau morceau. Un bon morceau. Ouais, un bon morceau. Un bon morceau. Voilà. Napalm Death qui fait du. Bah, du coup, des beaux morceaux. Oui, non, mais on va pas. Des beaux morceaux de Bidoche, oui. Qui irait très bien avec ta bah, bien. Du coup, bah, il reste une news, je la fais. Toi, tu voulais peut-être faire la salle du concert, là. Du concert. Non, ou plus tard. À la scène Michelet. Ouais. Bah, vas-y, fais ta dernière. Bah, non, je voulais faire les Guns, mais je viens dans. Ça, mais... Bah, après, oui, non, mais y a pas de souci. Mais c'est pour. Vas-y, c'est pour qu'on parle un peu tous les deux. Ah, ouais, c'est ça. Ta-dam, ta-dam, ta-da-da-da. Donc, à la scène Michelet, le mardi 3 juillet, de 20h à 23h55, il y a un petit groupe, ma foi, fort sympathique, qui se nomme Karma to Burn. Voilà, donc après, il y aura d'autres groupes qui ne sont pas annoncés pour le moment. Mais voilà, je vous conseille d'aller, si vous êtes dans le coin de Nantes à ce moment-là, le 3 juillet prochain, d'aller voir Karma to Burn à la scène Michelet, à Nantes. Très bien, voilà. Merci. Je viens de me rappeler justement, en parlant de concert, d'un truc, donc j'en parle parce que le groupe l'avait demandé sur leur groupe. Edge Charger, nos amis. Hey nos frères de métal vont jouer à Louvigny le samedi 26 mai au festival Le Foul. Ça commence à 18h, donc allez-y, ça sera forcément très très bien. En plus, il y aura Edge Charger qui joue, alors je ne sais pas qui d'autre il y aura, donc je vais regarder. C'est un festival unplugged. Ah oui, c'est pour ça qu'il était intéressant. D'accord. C'est-à-dire qu'ils doivent débrancher les guitares. Ouais, je pense. Parce que sinon, ils ne sont pas en plug, en fait. Bah, c'est ça, ouais. Parce que normalement, c'est plugged quand tu es branché. Unplug. Quand tu es débranché. Je ne me remets pas de cette bière, j'ai un vieux Roland dans la gueule. Là. Ah, c'est. Même avec celle-là ? Bah, ça ne m'a pas encore tout à fait rincé le. Ouais. Non, mais moi, en plus, j'ai encore l'odeur qui reste. Faudrait que. T'as pas de la coke ? Un truc bah, si, j'en ai un peu, si tu veux. Ah, cool. Bah, on est dans le business, hein. On a de la drogue, ça, on a tout. Hein. Ouais, bon, bah, j'arrive pas à voir qui y a dans les. Bon, bah, j'ai pas. Mais voilà. Ouais. Allez-y, c'est Louvigny, c'est dans le 14, le Calvados. C'est le 26 mai. Hein, c'est ça. Oui, exactement. Louvigny, d'ailleurs, l'équipe de Louvigny qui est sponsorisée par Groland. Bon, très bien. Dernière news, on va dire, pour cette semaine. Il y en a d'autres qu'on avait marquées, mais qu'on gardera peut-être ou qu'on fera pas, parce que de toute manière. Ouais, de toute façon. Faut pas non plus. Pas pleurer, les Guns N' Roses ont sorti une nouvelle lyric vidéo, soi-disant d'un titre inédit, qui se trouve être en. Soi-disant. Oui, qui se trouve être en fait sur la réédition de l'album Appetite for Destruction. Et autant j'aime pas les Guns, autant quand j'ai vu ce qui sortait, j'ai quand même fait. Wow. Ah ouais ? Vraiment ? Ouais. Ah, je croyais qu'il y avait une blague derrière, mais non. Non, j'ai vraiment été impressionné en fait. Le disque sera remasterisé et une box spéciale sera proposée intitulée Lock and Load, qui inclura 73 chansons dont 49 ne sont jamais sorties. 49, ça comprend certaines phases B, certains lives, ouais, certains trucs. Hein, faut quand même... faut cette box contiendra 4 CD et 7 vinyles. En plus du premier album du groupe, les fans trouveront les disques live Like I Said et un EP de phase B, 25 enregistrements inédits captés en 1986 au Sound City Studio et 2 chansons inédites enregistrées avec le producteur Mike Clint. L'édition Super Deluxe comprendra un livre de 96 pages avec des photos inédites issues des archives personnelles d'Axel Rose et 12 lithographies. Eh ben, pour les gens qui sont fans du groupe, je pense que c'est plutôt stylé. Pour la modique somme de... J'ai pas le prix, hein, je... 450 francs. Ça sera forcément beaucoup trop cher. Hein, beaucoup trop oui, cher. Certainement, oui, certainement. Hein, je pense, voilà. Donc voilà, c'était tout pour les news de cette semaine. Donc maintenant, on va passer aux albums que nous devions écouter. Tout à fait. Donc, Sleep, tu nous avais annoncé la semaine dernière, il y a 15 jours, qu'ils avaient sorti un 6 titres du nom de Science. Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à écouter sur Spotify, ça merdait. Ah ouais ? Donc j'ai pas un assez bon recul pour en parler avec objectivité. Donc je propose un déplaçage. Tout à fait. Très bien. Parkway Drive, donc on devait écouter le nouvel album Révérence sorti le 4 mai dernier, mais tu n'as écouté qu'une chanson, donc... Exact. Fu Manchu, nouvel album, ça, on l'avait un peu zappé. Toi, tu l'avais vu de côté, tu l'avais déjà écouté. Oui. Et depuis, tu l'as même acheté. Oui. Moi, je l'ai également écouté et je l'ai trouvé fort, fort bon. Mmh. C'est cet album-là que j'aurais pu acheter dans ce que tu as, tu vois. Ouais. Parce que je l'ai vraiment trouvé très très bien. La dernière chanson, en plus, qui a 18 minutes, elle est vraiment excellente. Vraiment un très très bon album de Fu Manchu. Pas loin d'être l'un des meilleurs, j'ai envie de te dire, depuis tout ce que j'ai... Ça pourrait être pas faux. Ah, je trouve qu'il est vraiment très bien. Il est bon. Full Throttle Baby, qui passe donc au Metal Corner. Exact, le jeudi. Qui a été donc une de tes recommandations, oui. Que je n'avais pas écouté en tant que mec. Ouais, je m'en fous. Ouais, je suis un rebelle. J'ai donc été écouté. C'est vachement bien. Hein, j'ai été, Rock'n'roll bagarre, mec. Ouais, non, mais j'ai été hyper surpris. En fait, c'est très très cool. Et, ouais, c'est rigolo. Enfin, ouais, j'aime bien l'esprit, quoi. Ouais, j'ai vraiment. Bon esprit. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. Bedzifer, The Devil Went Down. Alors, j'ai pas écouté. J'ai dû. Alors, là, pour le coup, je m'en souviens plus. Donc, je sais pas. Alors, moi, je pourrais te conseiller. En fait, j'ai écouté deux albums. Donc, ouais. The Devil Went Down to Holy Land. Ouais. Et un autre album qui n'a. Tu reconnais pas, en fait. D'accord. Ouais. Qui est plus. Je dirais. Tourné vers un death. Ouais. Que celui-là est plus tourné vers un metal un peu stoner, tu vois, plus dans l'esprit Orange Goblin, tu vois, mais d'accord. Avec une voix plus. Ouais. Plus burnée, même pas, je dirais pas plus burnée qu'Orange Goblin, parce que je trouve que Ben se défend assez pas bien, mais. Enfin, ils sont différents. Va écouter, tu vois. Donc, t'avais commencé ta phrase en disant je peux te conseiller un album, et en fait. Bah, c'est. Ouais, en fait, là, pour ma part, moi, trois, en fait. Celui que je préfère, c'est The Devil Went Down to Holy Land. C'est le dernier En fait, ils vont en ressortir un, justement. Bientôt. Là, ils sont en studio, ils sont en train d'écrire. Oui, donc, il y a quand même un peu de temps. Il y a un peu de temps. D'accord. Mais je crois, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est le dernier, ouais. D'accord. Bah, j'irai écouter celui-là. Devil Doll, The Girl Who Was Death, que j'avais écouté en survolant la dernière fois, alors que Bob m'a dit, il faut écouter en entier, tout ça. Donc, je vais être honnête, j'ai écouté 23 minutes sur les 39. Il y avait eu déjà un milliard de changements de trucs dans le truc. Ouais. Et ça me parle pas trop. En fait, j'ai un problème avec la voix du mec, en l'occurrence. Autant, tu peux commencer un voyage quand t'écoutes, juste, un petit peu, mais la voix me fait un peu sortir dedans, moi. Tu vois, c'est un peu l'inverse, justement, de ce que m'avait fait Pensée Nocturne, en fait, justement. Ça marchait sur moi, mais ça marche pas sur moi. Mais par contre, c'est vrai que quand j'ai arrêté, je me suis dit, j'arrête, parce qu'en plus, je devais aller couper un oignon pour leur pâte ce soir. Enfin, et du coup, normal. Quand j'ai coupé, je me suis dit, ça fait un moment que j'écoute quand même 23 minutes seulement. Ça faisait un peu plus long. Voilà, ça m'a pas marqué. Ouais. Et toi, t'aimes bien, toi? Je sais pas, en fait, j'arrive plus trop à savoir. C'est vrai que j'ai écouté ça, moi, vous devez être en 97, je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc ça date, quoi. Puis j'ai l'album The Girl Who Was Death et j'ai Elio Gabalus, je crois. Mais normalement, ça, c'est qu'une chanson, ça. Ouais. Donc j'ai deux albums de Devil Doll, mais ça date. Sur l'album, il y a d'autres chansons. Et j'arrive pas trop à me refaire une. Sur The Girl Who Was Death, je crois que non. Le morceau dure 39 minutes. 39 minutes, ouais. Et pourtant, tu vois bien que ça fait plusieurs morceaux collés. Enfin, tu vois bien que ça fait. Parce que c'est pas un thème qui change pendant 40 minutes. T'as vraiment des différences, des trucs. Et... Je dirais plus que je réécoute, mais par nostalgie en fait. Ouais. Ouais parce que j'ai bien aimé à une époque, comme ce que j'avais posté. Ouais. Virgin Prunes, j'adore Virgin Prunes, mais c'est pareil, j'écoute beaucoup moins que je pouvais écouter avant. Ouais. Donc du coup, c'est des groupes que j'aime bien, mais de là à dire que j'irai pas acheter d'autres albums de Devil Doll, par exemple. Ah, moi, ça m'a pas plu. Ouais, c'est plus par nostalgie en fait. D'une époque, tu vois, où je me... Voilà. Non, mais voilà. C'est pour ça que je voulais avoir ton avis. Ouais, voilà. Ça n'a pas marché sur moi. Et là, pour le coup, j'irai pas jusqu'au 39. Parce que je vois vraiment le truc. Et c'est juste que ça... Ouais, ça va pas... Ça... Non. Mais n'hésite pas à me faire d'autres propositions. Oui, tout à fait. En l'occurrence, la suivante, Ride the Sun. Alors, j'ai écouté le deuxième album, Sur la route du retour. D'Amsterdam et j'ai grave kiffé ma race, vraiment j'ai trouvé ça. T'as pas écouté le premier depuis? Si, Ouais. Et j'ai vraiment bien aimé, vraiment. C'est cool comme. C'est très très cool. Je m'attendais pas trop à ça en fait. Je m'attendais à quelque chose de. En fait, à cause de la description que tu en avais fait, qu'on avait fait dans le post, ça donne envie de prendre ça 103. Et je m'attendais à un autre truc. Ça me faisait. Ouais, enfin. Ouais, mais ça me faisait pas trop penser à ça du coup. À la 103. Non, mais ça me fait pas forcément penser, moi, une balade. Ah ouais, sur le soleil couchant Voilà, ça me de fait pas penser à Californie. ça, moi. Mais pour le coup, pour le reste, ouais, non, très très bien. Très bon groupe. La voix peut-être un peu trop aiguë de temps en temps pourrait. Je m'attendais pas à ça que t'aimes bien, parce que la voix est quand même plus aiguë que dans les trucs que t'écoutes en Ouais, non, ça général. va, non, ça Ouais, va. mais non, très très bien. Le après, je saurais pas. Je trouvais que le deuxième album, en tout cas, était très bien tel que. J'ai pas forcément fait le parallèle avec le premier, mais j'ai bien aimé. Et toi, le deuxième album, tu l'as écouté? Pas encore. Ah, tu vois, Non. on en arrive là. Hein. Bah ouais, non, mais il y a tellement de choses, il y a tellement de trucs. Mais j'ai vraiment. Après, c'est peut-être parce qu'on a augmenté énormément notre champ de vision. Ah, c'est complètement ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'albums qui sortent là. Hein. Ouais. Donc après, est-ce que c'est des périodes de ça? Il y avait aussi en dernier The Devil May Tree Old Number 7. Bon, bah ça, oui, j'ai été écouter qu'une chanson. Parce que c'est la chanson. Qui était une de tes recommandations aussi, je Ouais. crois. Et bah, très cool. En fait, rien à voir avec tout le reste. Donc vraiment. Ouais, bah ouais, Ouais, non, bah. non, mais justement, très très sympa. Mais Bah ouais. quand j'ai écouté, j'ai fait, ah, d'accord. Tu t'attends pas, voilà. C'est pas, voilà, c'est Ah très bien. bah, on peut sortir du métal aussi des fois. Oh, et qui sait que moi, j'ai bien mis thérapie. Oui, c'est vrai. Donc, C'est hein. pas faux. Et l'album, je l'ai pas trouvé, parce que sinon, c'était l'album, parce que c'est un album que j'adore. Et pourtant, dessus, il y a Diane, hein, quand même, qui est une chanson un peu. Où le mec chante tout seul avec un violoncelle derrière, donc. Bah voilà. C'est pas très métal. Hein. Bah pas Par contre, vraiment. les paroles sont tellement dégueulasses que. Enfin, Ouais. j'aime vraiment beaucoup Thérapie. C'est un groupe qui est. Bah, qui est rock dans l'esprit et qu'en plus. En fait, toi, par exemple, c'est très con, hein, mais, et ça vient pas forcément d'eux non plus, mais dans la chanson que j'ai mis, Stories, il y a Happy People Have No Stories. Et ça, c'est un truc que j'avais marqué à mon mur de ma chambre, ça. Pour moi, c'était un truc qui était important. Les gens D'accord. heureux n'ont pas d'histoire. J'étais pas en train de cultiver le truc d'être malheureux, mais c'était une vérité pour moi. Donc c'est un truc, c'est un groupe qui m'a marqué pour plein de raisons. Et c'est pas du tout métal ou quoi que ce soit, mais des fois j'ai l'impression qu'il y a certains groupes qui sont plus rock sans être métal que d'autres groupes métal, quoi. Ouais, complètement. Et donc, oui, The Devil May Cry, c'est très sympa, très sympa. Ça m'a donné envie d'aller écouter d'autres trucs, pas forcément pour. Bah, j'ai l'album, si tu veux. En fait, ça m'a donné envie d'écouter pour le délire, pas pour faire. Ah, c'est sympa, hein. Ouais, c'est sympa, voilà, c'est Voilà, sympa, c'est la c'est petite pas. balade cool, quoi. C'est ça, bah c'est que c'est le. Ça J'ai fait. hésité avec ça et Charlie, comment c'est Et la chocolaterie? Ouais, bon, c'est. Ouais, carrément. Le premier ou l'ancien? Oh, les deux sont bien, j'aime bien. Charlie Daniels Band. Ouais, je connais pas. Mais j'aime Ouais. bien. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais j'ai préféré mettre The Devil May Cry, quand même. Bah surtout, en plus, ce qui est marrant, c'est que quand tu vois The Devil May Cry et que tu vois All Number 7, tu t'attends quand même à complètement autre chose. Bah, tu t'attends pas à ce que tu entends. Ah oui? Bah, tu attends un truc un peu plus. En plus, venant de toi, je m'attendais soit un truc vraiment stoner de ouf, Ouais. soit un truc sombre, peut-être limite doom. Eh Et bah, pas, hein, pas ben, du tout. pas du tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc ça, c'était les quelques albums qu'on avait à. Les albums qu'on avait Les à albums? écouter. Donc on reporte l'écoute, on reporte Sleep, on reporte Parkway Drive, Bedzephyr pour ma part, et on se remet un petit Ride the Sun, moi le premier pour mieux en parler, toi le deuxième. Bah exactement. Pour Est-ce que tu kiffer. avais d'autres albums que tu voulais écouter ou dont tu voulais parler? Oh là. C'est ça le problème. C'est qu'il y en a tellement. Et à la fin, je me perds. Je sais même plus quoi. Non, parce qu'après, dans tout cela, toi, t'as que Parkway Drive. Hein. Et le deuxième de Ride the Sun. Moi, Parkway Drive, je l'ai écouté deux ou trois fois. Ouais. Donc c'est bon. Et moi, il faut que j'écoute surtout Sleep. Donc on voit, on peut arriver à Oh, 100. des nouveaux albums, oh, je ne sais pas. Bah Non, écoute, on verra, on le marquera s'il y a besoin. faut que voilà, Donc on voit. on va parler maintenant. Donc comme c'est ce qu'on disait un peu là, dans le dernier épisode, comme il nous restait plus qu'un groupe, bah on va parler de ce groupe-là. Et à côté de ça, on va parler vite fait, rapidement. On est revenu sur quelques groupes qu'on a réécoutés ou qu'on avait envie d'approfondir. Et on va voir si on a quelque chose à en dire ou pas. Ça devrait être plus rapide que nos chroniques habituelles. Et de toute manière, comme à partir normalement le prochain épisode, je ne sais pas si on écoute un groupe dans chaque émission ou. Bah déjà, il y aura les derniers. Bah, les trois, mais justement, est-ce qu'on en garde. Un pour chaque. Un pour chaque. Parce qu'il reste trois... 3-4 émissions, je crois qu'il reste. Bah ouais, on peut faire ça, éventuellement. Histoire de regarder. Ouais. Bon, en tout cas, on commence par Bukowski. Allez, vas-y. Donc, vas-y, fais-nous écouter ta chronique. J'en ai pas. Ah bah bravo. Mais je savais que t'en avais fait. Alors, je vais reprendre nos échanges. Car c'est important. Alors. Mais je savais que t'allais en faire une. Alors, on écrit tous les deux la chronique de Bukowski. C'est moi qui parle. Il me répond, comment ça? Je dis, bah, chacun la sienne. Et moi, là, dans ma tête, je me suis dit, mais quel intérêt? L'intérêt, c'est qu'on allait forcément avoir deux manières de le faire. En plus, moi, je me suis éclaté à faire la mienne comme il n'y a pas, putain. Eh bah, écoute, je la ferai la semaine prochaine. Poutif. Eh bah, d'accord, tu la feras la semaine prochaine. Poutif. Alors, Bukowski. 2007, une année difficile. Une année moche, comme on les appelle. Tu vois, c'est très bien. La disparition d'au moins deux groupes. D'un côté, Wunjo, groupe issu de la team Nowhere, et Kwamis, groupe dont je n'ai aucune info, par totale fainéantise. Ah, tu vois. Comme pour l'équilibre des choses, le yin, le yang, le métal, l'oxydation, la bière, la mousse, il faut la naissance là où il y a la mort. Alléluia et Cocorico, Bukowski est donc un power trio de rock, heavy stoner français, originaire de Paris, qui se forme en 2007 des cendres des deux précédents groupes cités avec Mathieu à la guitare et au chant et Nico à la batterie, rejoint par Julien, frère de Mathieu, qui officiera en tant que bassiste et au chœur. Alors, j'ai pas vraiment marqué au chant, j'ai marqué au chat. Mais quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Mathieu à la guitare et au chat. Ouais, bah après, il peut... Bah, il peut jouer du chat. Oui. Mais je crois que c'est vraiment ça, le... Ça doit être vite chiant. Ça doit être vite chiant, ouais, c'est sûr. Le groupe rend bien sûr un hommage à l'écrivain américain Charles Bukowski, autant connu pour son caractère de merde que son immense talent. Si c'est un adage qui se vérifie, laissez-moi vous dire que Bob est fort talentueux. Tu vois ? C'est pour ça que je me suis amusé à... Tu vois ? Alors, premier album en 2009, Amazing Grace, qui est le titre, mais aussi ce que les gens disent en le qualifiant. C'est pas vrai, mais il a été plutôt bien apprécié et je trouvais que ça sonnait pas mal. 2011, comme le temps passe, The Midnight Sun déboule et direct, bam, album acclamé par la foule qui l'entraîne et poussant le vice jusqu'à être élu meilleur album de 2011 par les auditeurs de WeFM. 2012, petit passage au Hellfest, normal. 2013, Hazardous Creature, qui est le troisième album et le batteur originel est remplacé par leur technicien lumière, parce que la vie des fois... C'est aussi à cette période que le producteur de l'album, à savoir Fred Duquesne, les rejoint comme second guitariste. Donc, avant que l'émission commence, j'ai montré une petite vidéo YouTube à mon cher ami Bob, où justement on voyait Fred qui était en train de montrer comment il mixait, et il enregistrait et produisait des chansons. Et c'était fort intéressant. Il les rejoint comme second guitariste. Il restera avec le groupe jusqu'en 2016 avant de rejoindre Mass Hysteria, La Furia, tout ça avec Déa, et sera remplacé par Clément Ratto. Clément Ratto. Mais plus tôt, en 2014... Hein? Non, pas de blague. Ah, non, c'est vraiment... Elle était trop facile. Non. Mais plutôt en 2014, Timon Stoddart, du groupe Full Throttle Baby, intègre le groupe en tant que nouveau batteur. Et en 2015, On The Rocks, quatrième album du groupe, sort pour le plaisir des fans, je pense. Voilà. Voilà. Donc, j'ai écouté les quatre albums, avec plus On The Rocks que les autres. Et franchement, j'ai bien aimé ce que j'ai écouté. Ça m'a fait beaucoup penser à du Stone Sour, par certains moments, même dans la voix. Je trouvais qu'il y avait une certaine ressemblance avec... le Corey Taylor de Stone Sour, sans forcément une imitation, mais une certaine ressemblance un peu dans le style. Et dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve les albums quand même, on retrouve la patte, mais un peu différent. C'est rock, c'est un peu tout ça, rock, stoner, metal, il y a plein de facettes du groupe. C'est très très sympa. J'avais un petit a priori sur le groupe qui est venu de je ne sais où. Peut-être parce que je savais que ça venait de Wunjo ou des trucs comme ça, mais j'ai vraiment... j'ai trouvé que c'était un groupe intéressant dans ce qu'il proposait et qui cherchait justement à proposer un truc... alors, je dirais pas que ça... On a écouté beaucoup de groupes français dans cette saison 2 qui a porté plein de choses hyper différentes et de qualité. Et là, ça vient en fait s'ajouter à la liste, je trouve. C'est un petit peu sa pierre à l'édifice, dans le style propre, carré. Bah, le son est plutôt méga propre. En même temps, si c'est produit par Fred Duquesne, je veux dire, c'est pas n'importe qui. Mmh, hein. Mais... il est fort pour ajouter des trucs où on comprend pas le résultat, mais ça fait des trucs qui marchent. Ni les mots. Je veux dire, il utilise beaucoup d'EQ qui met en compression, en parallèle, et qui, à cause des micros, machin. Dans un bus. Ouais. Non, parce que franchement, en écoutant sa vidéo, tu vois que le mec est tellement calibre, il est tellement au-dessus, et que nous, on l'est tellement pas. Je veux dire que c'est vraiment ça, quoi. Nous, on est en mode, on a deux micros enregistrés comme ça, et on veut juste être sûr que ça enregistre. Alors que lui, il est tellement. Voilà, c'est vraiment. C'est de la mécanique de haute précision. Nous, on est dans le bâtiment, on est le gros œuvre. Nous, on fait des tranchées. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, pour en venir à Bukowski, j'ai vraiment apprécié tout ce que j'ai écouté. À chaque fois que j'aurais écouté, ça me faisait toujours le même petit plaisir. En plus, le groupe, dans la semaine, a annoncé. Enfin, il y a un festival plutôt dans le coin qui a annoncé que Bukowski et nos amis de Head Charger serait là l'édition 2018, donc ça me fait encore plus plaisir. Hein, toi aussi ou pas? Ah oui, non, mais complètement. Du coup, il va falloir qu'on aille à ce festival. Certainement. Il est entré. Donc voilà, j'ai pas de grosses précisions techniques à dire sur le groupe. Apparemment, il y a de la compression. Et, ça a été bien enregistré. Oui, voilà. Ouais. Et il y a quelques EQ. Non, franchement, j'ai aimé tout ce que j'ai écouté dans l'ensemble. Que ce soit les moments calmes des albums ou les trucs plus énergiques. Enfin, je sais pas, je trouve que tout est bien. Dans le style, je trouve que tout est bien. Mmh. J'ai rien acheté. Qu'en auriez-vous à dire, mon cher confrère Bob de podcast? Très long. Hein. Ouais. Très long. Ça, c'est long. J'ai écouté un peu. Et que dire, faut que je réécoute. Pour vraiment. Non, mais. Le mec a qu'un gros bas chronique, putain. Oh, ça va. Ah oh, putain, je viens d'avoir un Roland de l'autre bière. Oh. Ah. À ce moment-là. Bah oui, mais bon, toi, t'es à moitié punk à chien, donc c'est normal. Toi, mais non, mais voilà. Qu'est-ce que tu veux? Ah. Oh. Bon, bah, tu vois, ça c'est toi qui viens d'écouter. Oh, faut que je réécoute. Ah ouais, carrément, quoi. Ah. Alors là, bien joué. C'est aimanté. Oui, ah bon? Ouais. Oh, dommage. Bah ouais, c'est cool. Mais pourquoi? T'avais qu'un groupe? Oui, bah écoute. Non, je l'ai pas, non. Non? Non. Mais si, faut que je réécoute. Non, mais ouais, c'est pas... tout. Je sais pas, j'ai pas accroché la première écoute, donc après. Mais t'as écouté quoi? Je ne sais plus, j'ai mis, puis voilà. Avec Spotify. D'accord. Ok. Donc. Je pense que c'est la meilleure. Bah non, t'as fait pire en chronique. Non, ça l'est bien. Merci. Donc tu vas réécouter pour la semaine prochaine? Oui. Oh putain. Oh, je sais plus quoi en tirer, moi, de ce mec. Mais aidez-moi. Sortez-moi de là. D'accord. Oui, je vais réécouter. Non, mais c'est sûr. Mais après, je te garantis pas le résultat, quoi. Bah non, mais ça, je m'attends à rien. Hein. Bah t'imagines. Je suis toujours surpris, c'est ça qui est bien. Bah ouais. Mais tu m'as. Alors, tout à l'heure, pardon, j'ai du mal un petit peu à comprendre, parce que tout à l'heure, tu m'as dit on a écouté tout le vendredi avec parcimonie, c'est bon. Bah, il est à la troisième ligne, Bukowski. Et c'est parce que. Ouais. Ah non, mais il est face à The. D'ailleurs, on l'a pas dit, Bukowski, qui passera sur la main stage de vendredi, de 11h40 à 12h10, face à The Walking Dead Orchestra et Son of Otis. Ouais. Ouais, bah c'est quoi que tu vas aller voir là? Oh oui, dis donc, tu vas te détendre? Je suis totalement détendu. Ouais. Ah, alors, mais de toute façon, je suis même pas sûr d'y aller. Non, mais par exemple, là, si tu... Là, bah, je ne sais pas encore, faut que je réécoute. Tellement de paradoxes chez un seul et même homme. Mmh. Je sais pas ce que c'est. Mmh. D'accord, très bien. Eh bien, donc on attend ta chronique la semaine prochaine. Tu crois? Ça serait bien. Ouais. Je veux dire, ça fera 3 semaines, c'est bien 3 semaines pour faire une chronique. Ouais, bah c'est un minimum. C'est un minimum. Très minimum. C'est bah je te laisse passer à ton second groupe. J'ai pas touché mon chèque ce mois-ci, donc du coup. Et voilà, ça. J'ai eu des problèmes, d'accord. Tu crois que c'est facile de toujours. Ah non, mais voilà. On fait le malin, puis derrière. Donc la suite, ça va être. On se pavane à Amsterdam. Ouais, et ben. Pendant qu'il y en a qui crèvent la gueule ouverte, quoi. Moi je dis que ça. Tu crois que j'ai mangé là-bas? Ouais, c'est ça. Hein, t'as bu des cafés déjà? Ah, j'ai bu des cafés. J'ai pris une part de gâteau à Starbucks. Ouais. Oui, c'est ça. Tu as jugé pour ça. Hein non, j'ai pris un truc qui était super bon, c'est les Febo ou les Fibo. C'est un truc, tu mets une pièce de 2 euros et t'as un truc chaud. On avait une espèce de truc croustillant et dedans, ça a le goût du hachis parmentier et tout ça. Ça passe en petit snack que tu prends. Tac. J'en D'accord, et tu craches sur de la bière. Quoi. Je crache sur de la bière qui est dégueulasse, oui. Ouais. Parce que je me respecte. Et alors, il y avait de la Heineken partout, c'est pas pour ça que j'en ai bu. Ah, c'est ça. J'en ai pas bu. Il y avait même un truc qui s'appelait le Heineken Experience. Bah, je l'ai pas fait. Ah ouais ? Non. Ah, c'est dommage, t'aurais peut-être pu vivre un truc sensationnel. Oui, mais c'est cher. Ah ouais ? Oui, puis j'étais le seul à vouloir le faire dans ma famille. Ouais, forcément. On va dans le parc, on va faire un tour de bateau, on va à Heineken Experience. Non, d'accord. Voilà. Pas grave. Okay. Tant pis pour moi. Voilà. Donc attends, juste avant, donc maintenant ça va être des groupes qu'on a déjà écoutés ou que l'un de nous a écoutés et qu'on avait envie plus ou moins d'approfondir. Alors vu comment il a approfondi Bukowski, accrochez-vous. Et là, imaginez le reste, ça va être un beau merdier. Bon. Donc The Good, The Bad and The Zoogly. Oui. Hein, qui passe sur la Warzone dimanche de 12h15 à 12h45. Mm-hmm. Hein, Bob, saison 2, épisode 13. Voilà, donc si vous voulez entendre la chronique originelle voilà. De Bob, celle où il aura peut-être des choses vraiment à dire, écoutez l'épisode 13 de cette saison 2. Voilà. En vous remerciant. Ils sont le Sachant groupe... qu'on est au 25. Voilà. Le groupe se retrouve face à Stray From The Path et Au-dessus, qui sont deux groupes que j'ai chroniqués. Voilà. Et donc ouais. Oh, putain, quel connard. Donc t'as pas du tout... J'ai réécouté. Ah The Good, The Bad and The Zoogly. Merci. Ah non, mais je suis vraiment... Hey, c'est sincère, hein, vraiment. Hein? Et donc je pense que ce sera certainement... Stray From The Path. Non. Non, oui, non, ce sera la Warzone, je pense. Bah c'est Stray From The Path. De quoi? Non, The Bad, The Good, The Bad and The Zoogly qui passe à la Warzone non, face à Stray From The Path. Et au-dessus. Qu'est-ce que t'as marqué hein. Ah ouais, non, mais je suis complètement bourré quand j'écris. Ah bah ouais. Pas que. Ah ouais, non, j'ai dit de la merde. Je crois. Écoutez pas ce que je dis, hein, les gens. Hein. Faites pas comme lui. Hein. Ça passe quand dimanche. Alors, dimanche, c'est 100D. Ah ouais. Ah bah si, ça passe à Warzone. C'est pas du tout là que ça l'a fait. De quoi? Bah, de Bad, de The Good, The Glee. Ça va The Good, The Glee? Ouais. The Bad and Goosley. Eh ben, si. Non? Plus que Stray From The Path. Bah, pas forcément. Stray From The Path, ils sont où? En main stage. En main stage, bah voilà. C'est parce qu'ils sont en main stage. Ou sinon, ils seraient passés à la Warzone. D'accord. Bon. Ah, d'accord. Donc, tu iras les voir, donc, toi? Ouais, je pense, ouais. D'accord. Ouais, je trouve ils ont l'air de mecs sympas. Ouais. Donc, je pense qu'ils peuvent donner un show plutôt cool. Et voilà. Et musicalement, je trouve que ça se tient. Ça envoie bien. T'as réécouté beaucoup de choses? Pas forcément, mais ce que j'ai réécouté... Oh merde. Et puis tu me fais chier, tiens, regarde ça, je me casse. Ah non mais... Alors... Bagarre? Bah bagarre, écoute. On peut mettre du Stray From The Path pour se battre? Bah ouais, tiens. Bon, non mais Duet t'as... Breed. Donc ça t'a convaincu en fait? Non mais moi déjà à la base j'ai bien aimé ce que j'avais écouté, donc moi je reste un petit peu campé sur mes positions de sale con, comme tu aimes à le dire. J'ai pas dit ça, hein. Ouais, oh, tu le penses tellement fort, tu le transpires par le front. T'as une goutte là, ça se voit. Putain, je pensais pas que ça se voyait. Et non, je trouve que ça envoie bien, donc moi ça m'a botté. Je vais réécouter un coup parce que dans mon souvenir c'était coolos, pas plus, pas moins. Coolos. Coolos. Coolos. Ah ouais, coolos, carrément quoi. Ouais. Coolios. Ah, Coolios. Ah oui, exact. Tu l'as? Ouais, je l'ai, ouais. Bah, c'est pareil. La pochette était bleue. C'était écrit en rouge. Bah, c'est les deux meilleures couleurs. Alors, de mon côté, d'autres choses à dire sur le... Non, que... Parce que déjà, t'as beaucoup dit. Hein. Ouais, je crois que j'ai trop dit. Hein. Faut regarder un petit peu. Franchement, hein, je vais regarder sous le pied un peu quand même. Hein, parce que là, je me lâche et là, tu vois, j'ai chaud partout. Ça devient n'importe quoi. Donc, moi, j'avais voulu réécouter Incendiary parce que j'avais un petit trou de mémoire. Et en fait, dès que j'ai commencé à réécouter, je me suis rappelé tout de suite. Donc, ça passera sur la Warzone le samedi de 11h05 à 11h35 face à Pensée Nocturne et Breed Machine. Donc, déjà, que des gros dilemmes. Oui, parce que autant Pensée Nocturne, j'ai pas forcément envie musicalement d'y aller, mais envie de voir. Et Breed Machine, qui a quand même l'air d'envoyer un peu d'envoyer du lourd. Donc je suis embêté. Donc Incendiary, c'est un groupe de hardcore efficace états-unien que j'ai moi-même chroniqué dans l'épisode 13. Mais c'est un groupe qui est de Long Island, dans l'état de New York. Donc donc j'ai réécouté, je me suis rappelé exactement ce que c'était et c'est vraiment un groupe hyper efficace en fait. Dans mon souvenir, donc j'ai pas été vérifier mes notes, mais dans mon souvenir, j'avais bien aimé quelques chansons et dans les albums en eux-mêmes, j'étais un peu moins emballé en fait. J'ai forcément sur la longueur un tout petit peu moins. Par contre, il y a vraiment des chansons que j'aime bien et ça marche beaucoup. Et là, ça serait vraiment un dilemme parce que t'es face à trois groupes. Je suis hyper curieux de voir Breed Machine en live. Ouais. Apparemment, ça fait partie aussi de mes dilemmes ce jour-là. C'est un des rares groupes où on a reçu le plus de retours sur la communauté où des gens nous disent à quel point ça a l'air bien. Ouais. On a dû avoir 200 j'aime en une semaine. Avec 150 j'aime plus la même semaine. À chaque fois, avec vraiment la particularité de dire ça envoie du lourd, ça va envoyer du lourd. Ouais. Il y a quand même un mec qui est venu commenter, ça m'a fait beaucoup rire, qui a dit ouais, la grosse claque du samedi, et que j'ai dû lui rappeler qu'il y avait quand même Adbred, Bad Ball, il y avait tout ça aussi le même jour. Ouais. Il fallait un petit peu se détendre quand même. Ouais, c'est clair. Donc je suis un peu embêté. Après, c'est 11h05, donc il y a peut-être moyen d'arriver à voir un peu de chaque en courant. Mais c'est assez cool en même temps, à 11h du matin. Bah, il y a moins de monde. Il y a moins de monde. Tu peux, mais. Ouais. C'est jouable. C'est jouable, mais tu vois qu'une chanson de chaque. Mais Warzone main stage, ça va être compliqué quand même. Je sais pas trop, je vais voir. Mais en tout cas, j'ai réécouté avec plaisir et maintenant c'est bon, je me souviens bien du groupe et c'est ancré. Je sais lequel c'est maintenant. C'est le problème d'avoir fait déjà 25 émissions, c'est qu'on en oublie quoi. Bah oui. C'est vrai que d'en avoir fait 6, c'était peut-être un peu trop. 6, ouais. Mais voilà. Donc maintenant, je m'en souviens bien et effectivement, cette année, j'ai été un peu abonné à la Warzone quand même. Je vous en prie. À vous de même. Alors, excusez-moi. Donc maintenant, tu passes au groupe Écoutez chez moi. Chez toi, Rise Against. Warzone, vendredi, 1h05, 2h05. Un petit set d'une heure quand même, c'est pas mal. Bah, fin de nuit. Face à Perfect Circle et Satyricon. Et ouais. Voilà. Rise Against. J'ai écouté, je crois qu'ils sont ressortis un album il n'y a pas longtemps, non ? Si je ne me trompe pas. Alors peut-être l'année dernière. Je voudrais pas dire de conneries. J'ai écouté tellement de trucs. C'est le groupe que Julien veut voir. Ouais. Donc, 2017. Je confonds avec d'autres groupes. Je crois que j'ai apprécié l'écoute de Rise Against. C'est même quasi sûr. Mais après, Perfect Circle. Satyricon, je connais pas plus que ça. Et je me demande si ça m'a pas plus branché que ça. Bah, moi, je sais que j'ai déjà vu Perfect Circle. Je jetterai peut-être un œil, mais j'irai aussi jeter un œil à Rise Against. Je crois que ce sera plus Rise Against. Je pense qu'en plus, la Warzone à ce temps-là sera bien. Puis c'est toi qui l'avais chroniqué, ça, Rise Against. Ouais, ouais. Mais en plus, ils avaient annulé leur venue il y a 2 ans. Ouais. Et j'avais été assez déçu parce que c'est pas le groupe de ma vie non plus. C'est un groupe que j'aime bien en général. Et là, j'ai envie de les voir. Donc, je pense que je ferai un peu de Perfect Circle et un peu de Rise Against si je devais choisir comme ça. Bah, pour ma part, je pense que ce sera la Warzone. Direct. Aussi, encore. Ouais, D'autres choses à... Non, c'est pareil, je crois que si de mémoire, ça envoie bien. Et du coup, je pense que... Ouais, c'est assez gentil quand même. C'est quand même gentil. Ouais. C'est plus gentil que... Que The Best Gun League. C'est cool, ça, The Best. C'est ça. Alors, maintenant, j'ai été choisir un groupe chez toi. J'ai été prendre Hey Young. On aurait dit les Beatles. Là. Ouais. Alors, je recommence. Hey Young, qui passera au Temple samedi de 16h45 à 17h35, face à Jonathan Davis, qui a sorti un nouveau single aussi. Ouais. Parce que bientôt l'album. Et Modern Life is War. Donc, c'est un groupe de métal primitif avec des membres du Danemark, de la Norvège et de l'Allemagne. Ça a été chroniqué par Bob dans l'épisode 22. Et tout ça de mémoire, putain. Ouais. Très très bonne mémoire. Et je me souviens à quel point tu avais raconté que tu avais un peu voyagé avec ce groupe, que tu étais à moitié posé dans ton canapé quand tu l'as écouté, et que ça t'avait fait un petit peu voyager. Et en fait, bah, donc moi j'ai écouté un peu, et c'est un nom clair et définitif. Bah, en fait, c'est pas un nom dans le sens, c'est pas bien, c'est juste que je me suis dit, ouais, non, je vais pas. Je suis resté un petit peu en dehors. Je comprends là où tu as voyagé et tout, mais en fait, moi, pour que je voyage, là, il n'y avait pas assez de musique. Elung, c'est ceux qui ont deux albums, c'est ça? Ouais. Ouais. Il y a des chants féminins avec Ouais. des chants un peu pas guerriers, mais à Ouais. moitié. Ouais, Ouais. si, ouais, je vois. Oui, qui est très basé sur le L'ambiance. viking, tout ça. Ouais. Hein, Bah, ouais. mais il n'y a pas beaucoup de musique. Ah non, non, il n'y a pas de musique, mais moi j'irais pas les voir non plus. Mais Hein. attends, oui, mais ce qui est dingue, c'est que j'ai vu en regardant vite fait, c'est qu'ils ont quand même eu le prix en 2017 de la meilleure performance live, quoi. Ah bah certainement, je pense que sur scène ça peut donner quelque chose. Ah bah ouais, mais bah, écoute, Il passe face à qui? à Jonathan Davis et Modern Life is War. Encore la Warzone? À la bagarre. Oblige. Ah bah. Je sais pas, faudrait que je réécoute Lung pour voir. Ah non, ah, ou alors faut que je passe dans le coin et que j'ai juste envie de jeter un oeil, mais. Non, franchement, moi, de ce que j'ai écouté, à un moment donné, j'ai dit, c'est pas possible, il n'y a pas de musique. J'ai dit, enfin, faut que musicalement, C'est assez spécial, hein. mais je peux comprendre, en fait, l'intérêt, t'es chez toi, tu mets ça, t'es pas mal. Juste, voilà, Non, déjà, il y a Modern Life is War, ou alors, je passe voir Modern Life is War, je prends deux coups de coude, et puis je repars en chialant, ouais. Voilà, et puis tu te poses devant Elung. Peut-être, Jonathan Davis, j'ai pas très envie. Non, moi non plus. Donc, en plus, 16h45, c'est pas Ah, je sais intéressant. pas, c'est vrai qu'Elung, ouais, j'avais été. T'avais bien aimé le voyage, toi, mais tu t'avais pas dit que t'irais les voir, mais t'avais bien aimé ce que Ouais. t'avais ressenti. T'avais fait un peu comme moi, c'est là où tu m'as dit le truc, c'est bah, t'as pas de moment où t'irais écouter ça, en fait. Ouais, Mais ça t'avait pas déplu. non, mais après, j'avais écouté pas mal, ouais. Mais ouais, non, c'est. Peut-être que sur scène, je sais pas. Encore un Tu vas voir dilemme. si tu. Ça t'avait pas fait ça dans la saison 1, mais tu t'es beaucoup plus. T'as écouté beaucoup plus de trucs en profondeur cette année. Tu vas voir que tu vas passer devant des scènes, si ça te fait comme moi, et les trucs que tu voulais pas voir, parce que tu les connais, t'y rajoutes un œil. Et c'est très paradoxal comme sentiment. Ouais. Tu vas voir que. Parce qu'en fait, ça se trouve, tu vas être là, au moment venu. Ah, il y a ça qui passe, bah Modern Life is War, t'as peut-être pas trop écouté. Et Non. donc, ça te parle dans ta tête, tu vas dire, Ouais. je vais jeter un œil. Et. Ouais, voilà, inconsciemment, peut-être que. Ça m'a fait ça pour Sick of Stupidity, ça m'a fait ça pour Faut que ça tabasse, tabarnak. Donc ça Allez. m'a fait ça pour plein de trucs l'année dernière et c'était super, d'un côté intéressant, mais de l'autre surprenant. Allez. Voilà, donc moi j'ai pas grand chose à ajouter sur El Young, donc je te repasse le Neil formulaire. Young. J'arrive pas à le dire, j'arrive, ouais. Donc, ah, Meshuggah. Ouais, ça c'est encore un autre dilemme, ça c'est pareil. Meshuggah, Main Stage 2, le vendredi de 17h40 à 18h30, horaire assez chelou, face à Demolition Hammer et Crowbar. As-tu approfondi ton écoute? J'ai réécouté, pareil, j'ai réécouté vite fait parce que c'est pas évident avec les enfants, hein. Toujours, voilà. Pendant les vacances, qui plus est. Qui plus est? Voilà. J'ai réécouté un peu, vite fait, pour justement quand on était en train de faire le. Alors, on se fait ça, on se fait ça, on se fait ça. Bah, je sais pas si j'y vais. Ouais, mais moi, j'y vais. Ouais, je sais pas. Tu vois. Ah, il parle de lui et parcimonie. Je Ouais, préfère pour le remettre un peu dans le contexte. dans le contexte. Donc, moi, ce que j'ai écouté de Meshuggah, bah, j'ai adoré. J'aime bien, enfin, j'ai adoré, j'aime bien. Ça m'a surpris. Et je connaissais Meshuggah de nom depuis des années et des années sans avoir été plus loin que ça. Bah, c'est moi qui les ai eu à On a chroniquer. chroniqué, ouais. Je ne sais plus quel épisode, tu vas nous dire ça de mémoire. Ben oui. Voilà, Et bah, je ta vais. Non, mémoire te j'ai. joue des tours. Ah, je vais regarder parce que ça sert à rien de mentir à nos gens. Épisode 15. Donc ça fait un moment quand même. Bah oui. Mais c'était un des groupes que tu avais marqué en disant j'ai envie d'approfondir et tout Ouais, ça. parce que ouais, j'ai été assez surpris par ce que j'ai écouté, et agréablement surpris d'ailleurs. Mais en face, il y a Crowbar. Et pour le coup, en fait, j'ai dû. Autant je peux comprendre certains dilemmes, autant. Et vraiment, crowbar, j'ai pas du tout. Pas du tout, moi, crowbar. Ouais. Bah, moi, je les ai eus sur scène déjà, donc. Bah, donc, pourquoi la question se pose pas normalement? Bah, mais Sugar. Ah oui? Non, je sais bien. Et t'avais bien aimé ce que t'avais vu de crowbar? Bah, ouais. Beaucoup bien aimé. Bah, j'avais bien aimé, ouais. T'es dur avec toi. Ouais, mais Meshuga main stage, quoi. Ah, ça, c'est... Alors, là, d'accord. Là, d'accord. Là, je rentre dans... Je me... Donc, après, tu vois, c'est ça aussi. C'est que ce que j'ai écouté en album m'a plu et étonné et agréablement surpris. Mais on a eu des problèmes aussi en main stage. D'écoute, comme Deval Driver l'année dernière. Exact. Où on n'entendait pas. Les mecs, ils chantent, ils jouent de la guitare, de la batterie, de la basse. Et on les entend pas. Ouais, mais après, regarde, Meshuga, ils joueraient pas ailleurs, de toute manière. Donc, ça sera le seul endroit où tu les verrais. Bah, c'est ça. Donc, c'est ça, en fait, qui me... Non, enfin, ça, c'est aller voir un groupe que j'ai déjà vu, que je connais et que j'apprécie bien. Mm-hmm. Comme Crowbar, aller les voir sur une petite scène comme La Vallée. Et là, je suis sûr d'apprécier mon live, sauf si ils nous la font à la Red Fang l'année dernière. Ou alors... Ça, et pareil, Red Fang, c'était vraiment un moment, où l'endroit où tu étais placé. C'était ultra fort. C'était ultra fort, mais c'était toutes les scènes qui étaient ultra fortes. Oui, parce qu'on entendait. Les scènes. Enfin, oui, à côté, on entendait Temple scènes, Altar, on les entendait bah, de la vallée pendant que les autres jouaient. Donc, c'était assez... Donc voilà, c'est pour ça. Si... Voilà, il n'y aura pas ce problème de son, normalement. Normalement. Donc voilà. Et derrière, Meshuga, mec, il passe en main stage. Et que j'aimerais bien voir, forcément, quoi. Et moi, ça... Moi, je sais qu'en général, entre groupes que j'ai vus et groupes que j'ai pas vus, je tente le groupe que j'ai pas vu. Bah oui, forcément, ça me tente. Mais moi, c'est la main stage qui me pose problème. Je suis d'accord, la main stage, c'est un problème. Mais là, en fait, moi, si je regarde bien, en comparaison d'avec toi, je me retrouve plus à faire des choix entre Warzone et main stage qu'avec les autres trucs. Donc, cette année, en tout cas. Ouais. C'est vraiment la Warzone où je me retrouve avec 14 groupes. Regarde, par exemple, il y a Killwitch Engage qui passe aussi en main stage, j'ai les boules. Mais ils sont face à Mangarn, que je ne veux pas les voir, et les shérifs qui sont en Warzone. Autant les shérifs, ça m'amuse, ça me fait délirer. Autant face à Killwitch Engage, bah, j'irai quand même en main stage. Parce que, voilà. Ouais. Donc, ou alors je regarde un peu le début. En fait, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Tu laisses la chance au main stage, tu vois, et puis si tu vois que c'est de la merde, tu pars à voir l'autre. Ouais. Non, mais je pense que ça va finir comme ça. Je vais réécouter, approfondir vraiment Meshuga en mettant les albums bien, bien comme il faut pour bien situer les périodes du groupe. Quoi. Mmh. Meshuga. Et voilà, derrière, voir si j'apprécie vraiment plus que de me dire allez, sous la vallée. D'accord. Voilà. Très bien. Prochain groupe, j'ai choisi dans mes groupes Feed the Rhino, qui est en fait un groupe que j'ai déjà eu à chroniquer donc dans l'épisode 11. Et je me souvenais, je faisais un mélange entre ça et Eskimo Callboy. Et j'arrivais plus à du tout me souvenir musicalement comment c'était. Donc j'ai essayé d'aller réécouter un petit peu rapidement. Passe en main stage 2 dimanche à 10h30, enfin de 10h30 à 11h, face à Plebeian Grandstand et Pogo Car Crash Control. C'est un groupe de metalcore du Royaume-Uni. Donc, bah, un petit peu comme Incendiary, dès que j'ai réécouté, je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est eux. Je me suis replacé le groupe en contexte. Donc, ouais, c'est du bon metalcore. Alors, j'ai lu 2-3 trucs qui disaient que c'était un groupe metalcore un petit peu différent. Moi, je retrouve les recettes principales du truc. Et c'est plutôt efficace dans le style, c'est bien. Ça m'a pas. La réécoute m'a pas procuré un. Je me suis rappelé de ce que j'avais écouté, mais ça m'a pas fait. Ah ouais, c'est trop bien ça, tu vois. À la limite, en réécoute, j'ai préféré un son de direct qui m'a rappelé. Ah oui, ça c'est bien. Mmh. Ça, j'ai trouvé ça bien. Voilà. Donc je sais plus ce que j'en avais dit à l'époque, mais c'est très bien, machin. Ça passe donc face à deux groupes que j'ai pas envie de voir, donc ça tombe bien. Plebeian Grandstand, c'est non. Et Pogo Car Crash Control, t'avais presque réussi à me convaincre. Parce que toi, tu disais que t'aimerais bien voir ce que ça donnerait sur scène. Ce que t'avais écouté te donnait envie de... J'avais pas forcément... Par curiosité, t'avais pas spécialement aimé, mais t'étais curieux parce qu'ils étaient français. On sent qu'il y a le... Il y a quelque chose. Ouais, voilà, il y a un truc. Ouais. Je pense que sur scène, après, peut-être qu'ils en font trop, je sais pas. Moi, j'avais pas aimé musicalement, mais Toi, t'étais curieux de ce côté-là. Ouais, ouais, j'étais assez curieux, ouais. Donc. Mais bon, pas surtout hein, non plus. Hein, parce que les... Ah non, non, mais bien sûr, mais c'est vrai qu'il. Après, Pogo Car Crash Control passe sur la Warzone. Ah, je pense qu'ils ont leur place sur la Warzone. Ouais, mais je veux dire, justement, ça peut être un plus pour le voir le groupe, tu vois. Ouais. Pour, quitte à risquer le truc, parce que c'est vrai que Fit de Rhino, qui est un groupe que je trouve bien sans. Voilà. Après, c'est l'avantage, il passe le matin, début de journée, donc tu files, tu regardes un titre, ouais. Tu fonces. Voilà. Mais non, ça m'a fait plaisir. Maintenant, c'est bon de resituer un peu le groupe dans ce qu'il fait exactement. Et c'est bon, je sais ce que c'est. C'est très bien. Je viens de faire la même chose avec Rise Against. Je cherchais, en fait. Et du coup, je viens de me rappeler. Ouais. Donc, voilà. Bah, c'est cool. C'est toujours bien comme groupe. C'est du bon metalcore. Sans plus, mais c'est bien. Ouais. Voilà. À vous-même, jeune homme. À vous, les studios. Alors, moi, j'avais le meilleur pour la fin. Ah, et ça. C'est un petit peu le groupe du paradoxe, je pense. Parce que, bah, déjà, l'homme du paradoxe. Pas que, ouais, ouais, pas que. Bah, je sais pas, de ce que t'en avais écouté à l'époque, c'était un peu ça, en fait. Ouais, ouais. Bah, déjà, lui-même, hein, je veux dire, dans sa carrière musicale. Bah... Hein. Steven Wilson, Main Stage 2, 19h40, 20h40, face à Carnivore AD et Church of Misery. Aïe, aïe, aïe. Bah, non, mais pas de aïe, aïe, aïe. Hein. Ah. Bah oui, mais si tu spoil tout aussi... Ah oui, pardon, tu veux que je prenne plus mon temps pour... Aïe, aïe, aïe. C'est hémorroïdaire. donc, Steven Wilson... Je te rappelle que Carnivore ID est le groupe que tu n'as jamais écouté. Oui, c'est vrai. C'est important de... Mais je pense que j'irai pas les voir. Que ça règle le problème. Voilà, tout simplement. Oui, donc Steven Wilson, eh ben non, j'irai pas le voir non plus. T'as réécouté un peu. Bah, j'ai réécouté ouais, The Crow Can Sing, je sais pas quoi. Non, c'est... Ah, mais me regarde pas, genre, je sais, moi. Si, bah, avec la lune, en fait, j'ai essayé de réécouter. D'accord. voilà. ça, la première écoute m'a surprise de cet album-là. Et à écouter plus, bah, voilà, quoi, c'est pas ma cam. Tout ouais, simplement. C'est ça, parce que pourtant le mec est hyper encensé de partout, quoi. Ouais, non, on entend parler. Oui, mais pas par moi. Non, non, bah, je peux comprendre. Hein. Voilà. Donc tu iras voir. Ah bah, moi, c'est sûr et certain que ce sera Church of Misery. T'as écouté? Ah bah, oui. T'as réécouté? J'ai réécouté, ouais. Et alors? Ah bah, ouais. Je t'avais dit, hein. Ah bah, ouais. Et pourtant. Ah bah, ouais. Non, mais on sent pas le japonais. Ah bah, ouais. Hein? Ah bah ouais. On sent pas le japonais. Tu vas pas le dire. Pourquoi tu veux sentir le japonais? Parce que, bordel. Je vois pas pourquoi on sentirait le japonais. Ça dépend du déodorant. Voilà, c'est ça. Bon, d'accord, donc Steven Wilson, pas plus à dire. En fait, moi-même, à la limite. Non, moi, ouais. T'avais un avis plus positif en disant pourquoi pas, et là... Bah là, non, pas du tout. Très bien. Parce que j'ai écouté Church of Misery. Ok. Alors moi j'ai voulu, en fait ce qui est marrant c'est que t'as pris deux groupes à toi alors que t'aurais dû reprendre normalement un groupe à moi. Ouais mais je fais ce que je veux moi. Exactement, et ça qui est bien chez toi, c'est ton espèce d'opportuniste, rien ne t'arrête, genre t'as une chronique à faire, tu la fais pas. Ouais mais carrément, de toute façon. Mais c'est ça qui est génial, et comme je l'ai dit, tu dois être vraiment très talentueux. Alors moi j'ai été écouter, pourquoi? Parce que, de quoi? J'ai été écouter un de tes groupes. Alors, j'ai été écouté principalement parce que Julien attendait énormément d'avis de ce groupe-là. C'était donc Batushka, qui est le groupe que tu as chroniqué dans l'épisode 24, donc dans le dernier. Donc, il passera sous la Temple de 18h25 à 19h15 face à Arch Enemy et Backyard Babies. C'est un groupe énigmatique de black metal apéro. Polonais. Hein? Apéro. Alors, j'ai écouté. Ma première réaction a été... Pourquoi? Ouais, en fait, voilà. Ce qui s'est passé, c'est... D'accord, ok, d'accord. En fait... T'as écouté le premier album? Bah, il n'y en a qu'un. Batushka? Ouais, Batushka, il n'y a qu'un album. Ah bah... Ah bah, tu veux quand tu veux, mon gars. C'est sûr, hein. Ils n'ont qu'un album. C'est le groupe... C'est la nanette qui chante? Ah, pas du tout, non. Ah bah, je confonds avec un autre. Ah bah, je sais pas quoi tu confonds, mais... Batushka, c'est les mecs qui sont capuchonnés, c'est du black metal avec des... C'est des gens connus, soi-disant, d'autres groupes de métal qui le forment. Ah, oh putain, la vache. Ah bah, tu vois, non, franchement, j'étais pas du tout là-dessus, moi. T'étais sur quoi, toi? Sur un truc russe. Tu confonds pas avec Lucifer que Non, non, non. un Non, un truc. groupe russe avec une nénette qui chante. T'as vu ça, toi? Oui, j'ai vu ça, ouais. Un groupe russe? Ouais. Et Attends. qui sonne russe. Qui sonne russe? Mais récemment, t'as vu ça? Mais oui, ça devait être l'avant-dernier ou le dernier, je ne sais plus. Batushka, 1, 2, 3. Mickey, Donald et moi. Ah! Bah non! T'aurais pas écouté le bon groupe? Bah non, bah. Amenra peut-être. C'est pas Amenra qui était russe? Attends. Si je te montre un album, tu reconnais ou Attends. pas? Non, parce que Batushka, ils ont fait qu'un album, hein, c'est sûr. Oui, non, mais écoute, Regarde, certainement Batushka, c'est raison. ça. Eh ben ouais, c'est ça. Bah ils en ont rien, ils ont qu'un album. Avec. Non, mais c'est ça que j'ai chroniqué, Yektenia moi. 1, Yektenia 2, Yektenia 3, Yektenia 4, ça a été des chansons. C'est formidable. Et Amenra, ça peut pas être l'autre truc que t'as confondu? Amenra, ça serait bien Non, non, je russe. peux retrouver. Amenra. Là, ils ont plein d'albums. Amenra, ouais, et regarde, Non, c'est ici, regarde. je dis des conneries. Amenra, c'est moi qui ai eu Non, ça. c'est pas ça. C'est moi qui ai eu Amenra. Oh putain, attends. Antaoma. Ah peut-être. Peut-être Antaoma. Antaoma. Ah voilà. Antaoma. Peut-être Antaoma. Avec un H. Comme ça se prononce. Antaoma. Anta. Il n'arrive pas à le trouver. Allez, je tape sur mon truc, ça fait du bruit. Antaoma. Antaoma, ça là. Mais non, ça c'est français, ça. Ah, pardon. C'est des Pays Basques. Antaoma, qui veut dire fantôme. Bon bah je sais pas ce que t'as branlé. Bah tu l'as pas écouté alors Matouchka? Mais si, je l'ai écouté, parce que c'est ça que j'ai écouté. Parce que tu m'as montré l'album que tu Bah m'as oui, bah montré. et bah, Non, non, non, mais il y a un truc que j'ai eu c'est qui était polonais. russe. Et c'est Bah, qui ouais, qui chante? était des pays de l'Est. Il y a pas Enfin, de fille mais. qui chante? Mais non, mais c'est un truc où il y avait plein d'albums. C'était tellement qu'il y avait plein d'albums que j'ai écouté le premier album. Ah bah. J'étais en train de fondre. T'as dû te tromper, c'est pas possible. Là, il n'y a qu'un album et en fait, bon, c'est du black metal et juste le chant, c'est t'as l'impression que c'est un moine qui fait des prières, c'est tout. Retrouverai. Ben, peut-être. Bon, en tout cas, voilà. Batushka, donc c'est du black metal. Musicalement, ça le fait complètement. Musicalement, ça passe. Franchement, musical, j'ai bien aimé. Mais à chaque fois, t'entends le prêtre qui est en train de faire une espèce de réciter des psaumes. Et là, c'est moi où je décroche. Mais c'est dommage parce que musicalement, je pourrais me dire, il y a quelque chose. Là, Mais quand même, il y a quoi? Non, ça passe quoi musicalement, Ah. j'aime bien. Tout ça passe bien, mais dès que ça chante, enfin, ça chante pas, ça récite quoi. Et ce que je sais, c'est que c'est un groupe qui est hyper populaire, qui marche beaucoup, ils ont des capuches et ils ont le visage camouflé, on les reconnaît pas. Et il Ouais. semblerait que ce soit des personnages donc connus du monde de la musique black metal. Et du coup, c'est vrai que face à Arch Enemy et Black Hair Babies, la curiosité peut être de mise. Ah, Tu vois? effectivement. Vu Pour comme le ça. show, pour la Voilà, scène, parce qu'apparemment, c'est ça vraiment peut être le groupe jouable. de scène où il se passe des choses. Ça fait partie des groupes qui font des cérémonies sur scène et tout, Ouais. quoi. Après, voilà, je dirais pas Ah, que ouais. j'ai bien aimé. Ah, là, tu m'intrigues. Je dirais plus que c'est tout un ensemble. Mais je sais que le groupe marche bien, donc il y aura forcément du monde. Parce qu'en plus, je l'ai dit ça dans ma chronique, que c'était justement des mecs de. Oui. Mais qu'on voyait pas leur tronche. Et Bah puis. oui. Mais tu. Mais Non, ça. mais je trouverai, je En même trouverai. temps, la Pologne, c'est pas très loin de la Russie, hein. Bah oui, non, mais c'est. Mais il n'y a pas de fille. Et il n'y a qu'un album. Est-ce que c'est cette année? Cool. Ah, après, si tu veux des mix, bon. En tout cas, voilà, c'était les quelques groupes sur lesquels on s'est repenché pour cet épisode. Donc, la semaine prochaine, on s'écoute quoi Bah, un des nouveaux déjà. Ouais, lequel? Celui que tu as écouté, pas moi encore, là? Celui qui remplace Electric Marie? Ben oui, c'est ça le truc. Mode Mode générateur. générateur, on se fait Bah mode après, générateur. moi, ça fait longtemps que je connais mode Ah générateur, bah mais. écoute, bah c'est pas grave. Comme ça tu pourras parler de Bukowski. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit un truc. J'ai un truc sur le nez. Non, t'as fait un truc. Donc on fait ça, puis on reparlera sûrement d'autres groupes qu'on veut approfondir, et chez l'un comme chez l'autre. Certainement. Et même chez Joe ou chez Parcimonie, s'il y en a qui nous ont... Voilà, très bien. Donc bah, écoutez, ça fait déjà 1h44 qu'on enregistre. Donc on va pouvoir... Allons jusqu'à 45. D'accord, très bien. Donc on prend chez qui? Chez Joe? Genre, tu voulais écouter Aurore, toi? Ah bah écoute, t'as dit ça. Hein. J'ai dit ça, moi? Ouais. Oh, mais des fois, tu sais, on ne sait plus ce qu'on dit. Sous le coup de la colère. Ah, je sais, t'es alcoolisé. Souvent, t'es souvent en colère alcoolisé aussi. Donc. Tu crois? Ouais. Bon, je pense pas. Bon. D'accord. Putain, mais bah, cool, on a, bah voilà, on fait ça. Je réécoute les groupes de Parcimonie, tes groupes, les groupes de Joe. Eh, mais pourquoi pas? On fait ça? On fait ça. Très bien. Eh bien... on vous souhaite à tous une bonne semaine. Merci. On se revoit normalement la semaine prochaine. Hmm? Oui, mais s'il y avait des groupes à toi que tu voulais approfondir? Oh bah écoute, je vais voir. Je vais au pire, on va faire du postage. Oui, d'accord, mais c'est bien de savoir avant quand même. Ouais. Parce que des fois tu déjà d'une des fois tu postes pas et des fois tu... Oui, enfin là poster Bukowski 7 ou 8 fois, bon, voilà, quoi. Ça faisait que 3 fois. Bah justement, c'est pour ça que je l'ai pas fait les autres fois parce que à la fin ça aurait fait 7 ou 8 fois. Tu vois ce que je veux dire? On va régler ça. Ah non, c'est bon, Street Fighter, ça... J'ai gagné! Ouais. Bon. Forcément. En tout cas... Il a tous les Street Fighter. On vous aime et on... Et on vous aime. On s'embrasse. Ouais, aussi, ouais. J'ai pas envie, c'est... Ah bon? Non, parce que je ne suis qu'amour. D'accord, et ben écoutez, on vous aime et on vous apprécie. Ouais. Et on vous souhaite une bonne semaine. Et puis, bah, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour l'épisode 26. Si Bob... Épisode 26, il y a. Voilà. C'est ce que j'allais plus ou moins dire d'une manière un peu moins sympa. OK. Sale con. À la semaine prochaine. Wouhou. Vous voyez comment je suis traité? Bah, qui tu vas te plaindre? Je peux me plaindre à plein de gens, mec. J'ai le bras long. Ça fait quoi? Un mètre 10? T'as pas un mètre? Ouais. Alors, large. 20, 40... 60. Pff, t'arrives à peine à 1 mètre. Allez, les ramène pas, s'il te plaît. Bon, allez. Wouh! Salut. Ça, c'est une bonne fin, ça. Tu crois? Allez, ouais. Salut. Ouais, ouh, salut. Bon, allez. On arrête. On arrête? On arrête. On arrête. Allez. On arrête.